Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires coquines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission. Car vous pouvez griller vos enfants, parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission, car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter, car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons aux CSA de nous écouter, car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir, car Vince et toute sa team vont mettre le... Aïe, aïe, aïe. Ce soir. Mais il se passe quoi? 21h, minuit, du lundi au vendredi. Vince sur NRJ. Bonsoir la Belgique, bonsoir tout le monde, on est de retour. Mon nom c'est Vince pour vous servir de 21h jusqu'à minuit durant toute cette semaine. Oui, du lundi au vendredi, ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? On est là, on chôme pas. Il paraît même qu'on était là hier soir. Ouais. Ah, je l'ai découvert très tard. Il y a mon téléphone qui s'est mis à sonner. Genre, le téléphone WhatsApp, bien sûr, 0492 222 002. Et puis je vois des messages genre, oh, trop cool votre émission, les gars. Je fais, oh mon dieu, j'ai été cloné. Quelqu'un m'a pris ma place. Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Non, en fait, j'ai été pas dispo hier. Donc, du coup, ils ont passé les meilleurs moments de l'émission. Voilà, de l'émission Vince, 21h minuit sur NRJ, donc ça fait plaisir. Va falloir quand même qu'on passe à la compta parce qu'il faut le payer, ça. Hein. Ah, ah, ouais. Je dis ça, je dirais à monsieur Brad Manager, faut me prévenir quand même. Hein. En tout cas, merci pour tous vos messages que vous avez envoyés hier, vous êtes poilés comme des oufs là. Bonsoir Lara. Hey, bonsoir. D'où vient cet accent québécois? Je sais là, pas, le lundi, je suis toujours de retour de loin comme ça. J'ai l'impression que j'ai passé deux jours dans le froid et puis je reviens et puis j'ai vu du feu et je rentre, tu vois. Et j'ai vu de la lumière et des gens qui riaient, qui étaient heureux. Et donc voilà, je suis là. Le lundi est spécial quand même. Hein. On est content de se retrouver. Ouais. En fait, on arrive à la radio, on est crevé. On est dead, on est fatigué. Voilà. Parce qu'en fait, on arrive vraiment en fin de journée. Il faut préciser que c'est pas puisqu'on travaille de 21h à minuit que forcément, enfin, travailler. Oh, c'est un taf ce qu'on fait là. Ah, vous arrivez en fin de journée, mais pas nous. Oui, c'est vrai. Faut préciser. Vous arrivez la veille, vous. C'est vrai, vous restez le lendemain. Non, mais c'est vrai que quand on arrive, nous, on a déjà toute la journée bien remplie. Nigel, il a eu l'école. Thibaut, il a eu le café. Eddie, il a eu la danse. J'adore. Voilà, et puis bon, Lara, elle a aussi eu son boulot de son côté. Ah ouais. On arrive, on est sur les rotules parce que c'est notre fin de journée. Imaginez-vous quand vous rentrez chez vous, qu'il est 21h, vous dites oh putain, tout ce que je veux, c'est taper devant la télé, regarder la télé, ouais, dans mon canapé. Et ben nous, on a encore une émission à gérer, les amis. Voilà. Ouais. Sauf que 3 minutes avant que l'antenne reprenne, à 20h57, ouais, je sais pas ce qui se passe. Il y a un coup de boost tout d'un coup, on est réveillé, c'est ça. On a eu le moment creux et puis là, c'est reparti jusqu'à 3h du matin. Ouais. Et le meilleur pour à partir de minuit 1. Dès que l'émission officielle est terminée, on ne sait pas ce qui se passe. Alors là, il se passe un truc, il faut préciser aux auditeurs. De nouveau, quoi. Non, mais vous devez écouter l'émission. C'est vrai qu'on explose de ouf à 21h. Et puis, on reste. On garde un rythme. Et puis, à 22h, on fait de la merde. Jusqu'à 23h59. Et quand l'émission est finie, c'est comme s'il y avait une libération. On se dit, bon, bah maintenant, c'est que de l'extra. Et je ne sais pas ce qui nous arrive. On a une euphorie. On s'amuse pas. Mais c'est grave, on s'amuse grave. On fait n'importe quoi. Et c'est vachement cool. Non, franchement, écoutez l'émission à minuit, elle est jusque-là, ah ouais, c'est hallucinant. Elle est mieux que... Non, elle n'a pas déconné non plus, elle est pas mieux. Il y a Nigel qui est là, salut Nigel. Bonsoir. Alors, comment va Nigel? Ben, ça va très très bien, franchement, beaucoup d'embouteillages aujourd'hui sur la route. Et c'est un truc de ouf aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'était que du côté de Bruxelles et tout ça. Dites-nous si vous venez de, je sais pas, Tubize, Liège, Charleroi, ah ouais, et tout, hein. Mais il y avait pas un sommet européen là? Ah, c'est peut-être que c'est ça, ouais, je sais pas. Ouais, il y en avait un, ouais. Moi, je me suis dit, c'est le temps, tu sais, une fine pluie, et en plus, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai eu plus de chocs sur le jour qui est tombé vite comme ça. Ah oui? Je sais pas, je me suis senti encore. Noir. Ouais, il faisait noir super tôt comme ça. Alors je dis pas, on a changé les heures bien avant, mais là aujourd'hui en particulier, je me suis dit quoi déjà? Ouais, mais le soleil se couche de plus en plus tôt. Il est que 17h, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est dingue quand même. Hein. Y a Thibaut qui est là. Salut Thibaut. Quand tu veux, hein, Thibaut. Bah, il fallait allumer mon micro aussi. Bah, non, attends, ton micro est élevé, c'est toi qui devais l'allumer. Ah, bah voilà, ok. Alors, Thibaut, comment c'était au café ce week-end? Ah, bah écoute, cette fois-ci, j'étais de l'autre côté du comptoir, donc c'est moi qui servais. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. Ah, putain, j'ai cru qu'il allait dire, je suis en dessous du comptoir, moi. En dessous de la pompe. Exactement ça. Donc, le week-end bien passé et tout. Ouais, ouais, j'ai travaillé et après, t'as j'ai vu, sorti quoi. Hier. Ouais, ouais, tranquille. T'es sorti où hier, tiens? À Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, mais t'es habitué, toi, à Louvain-la-Neuve. Ouais, son siècle. Exactement, c'est son quartier à lui. C'est sa zone et tout ça. Si jamais vous voyez des graffitis Thibaut, c'est normal, c'est lui. Ouais, c'est personne d'autre. Et puis on a Eddy qui est là aussi. Comment ça va Eddy? Bah ça va super bien. Enfin ça va super bien. Je suis fatigué mais ça va. Bah arrête, mais lui c'est vraiment le mec quand il nous dit qu'il est fatigué. Il a pas une tête de fatigué le mec. Non pas du tout. Non mais c'est parce que la fatigue est dans mon cerveau. Oui bah t'es né fatigué. Oui aussi. Bon bah ça c'est autre chose. Hein. J'ai pas pu choisir ça. C'est vrai effectivement. Il a toujours la même tête le gars. Ouais exactement. Bon les amis, ce soir grosse émission. J'espère que vous êtes parés pour tout ce qui va se passer. Avant de vous faire un topo, là il y a Najat qui est connecté dans l'émission. Il y a Damien aussi. Il y a des nouveaux qui sont là. La 0492 222 002. Salut ami Mauve. Quelqu'un qui m'envoie une photo de moi. Avec des nattes encore. Oh. Putain, ça date ça. Montre un peu. Bah regarde, c'est vraiment old school la photo. C'est d'il y a. Oh my god. Il y a 5 ans. Ah, c'est l'ancien Vince. C'est franchement, il y a 5 ans, ouais, parce qu'avant je portais des tresses, des nattes. Mais par contre, le mec à côté de toi, il est moche, hein. Bah arrête, arrête de manquer de respect. Alors, ah, putain. Pour les auditeurs qui viennent d'arriver sur Énergie, qui connaissent pas cette émission, il s'appelle Kevin, je le salue d'ailleurs. Il faut préciser un truc. Ah bah en plus, tu le crames, quoi. Bah quoi, mais non. En plus, il est moche et en plus, il s'appelle Kevin. Arrête, oh, putain, avec Kevin, on a des tonnes. Alors, je précise pour les auditeurs qui arrivent sur Énergie, qui comprennent pas, qui se demandent, mais qui est ce mec? Nigel, c'est son comportement, c'est son caractère, il est comme ça. Veuillez déjà m'excuser pour toutes les conneries qui ont été dites dans cette émission. Ouais. Il y a Edmond qui est là, PNO aussi, Ozil, Logan. Il y a Yo, il y a Mathéo, il y a Manon, Vince. Je viens de Wavre et j'étudie à côté de Tournai. Et donc, je suis en internat et je dois me lever à 5h pour ensuite, vers 10h, être pas bien encore. Merci à toi pour ton message. Là, il y a Maxime aussi qui est connecté. Vince, j'ai vu que tu étais au Sporting d'Anderlecht cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelque chose à venir avec toi, Non, rien du tout. Bah, du si. Tout. Pas du tout. Tu peux leur dire que bientôt tu vas intégrer l'équipe première. Mais non, j'ai été gratter des fous. Ouais, t'imagines la surprise de ouf là. Putain, la pire arnaque du monde. J'ai été gratter des. Bah, alors là, moi, je te jure, moi, je vais faire banquette de toute ma life, à mon avis. C'est toi qui vas mettre du réflexe. Najat dans la maison avec Vin sur Énergie. Et voilà qui fait plaisir. Merci. Bonsoir à Sarah qui est connectée. Sarah est dans la maison. Il y a Amélie aussi qui m'envoie des messages là. Vin de la maison. Oh, c'est bon ça. Tout ça c'est sur WhatsApp les amis, 0492 222 002. Il y a Kael aussi, il y a Arnaud. Vince, merci pour ton message Arnaud là qui m'a envoyé ça. Vince, les week-ends je ne sais pas quoi, je taffe dur pour ramener du pain à mes gosses et il faut que depuis décider de réduire notre poids de. Ah ouais, attention parce que les histoires politiques là c'est pas dans le. Voilà, nous on traite pas ça ici, hein, je. Là on s'en bat les couilles. Voilà. Mais sinon merci pour ton message, ça fait plaisir. Ah, c'est pas très bon. Hein. Alors Vince, je vous adore, merci pour le message aussi, il a continué comme ça, qui nous a été envoyé. Et si vous aussi voulez envoyer un message à l'antenne, une note vocale, des photos de ce que vous êtes en train de faire en ce moment et tout, eh ben il n'y a pas de problème, le numéro c'est le 0492 222 002. Il y en a des tonnes ce soir, c'est un truc de ouf. Courage à Manon qui a une grippe visiblement là. Oh. Et salut Vince, c'est Amandine, je sors du boulot, je bosse à l'hôpital et quel plaisir de finir ma journée avec vous. Continuez, vous êtes top, merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Et un gros bisou à Caroline aussi là qui vient mon message. Nigel, c'est sûr et certain, vous êtes un arabe. Tu casses trop les gens, voilà, ça tue. Message de Mouad. Caroline, Vince et l'équipe, toujours un plaisir de vous entendre commencer et pour commencer, voilà, et de vous entendre et commencer bien la semaine avec vous. Wow, il y a tellement de messages, j'essaie de lire super vite, mais c'est galère. Il y a déjà tellement de messages que le WhatsApp il est déjà en train de bugger. Non, déjà, merde. Ouais, parce que du coup, les mecs au standard, je leur dis, ouais, mettez tout le monde dans le standard, mais ils me disent, ouais, mais le WhatsApp bug. Envoyez plein de messages, on a été dépassé par notre délire dans l'émission, je vous avoue. On a décidé de créer un WhatsApp, là, avant de faire le son de Lady Gaga avec Bradley Cooper en début d'émission, c'est génial. C'est un bon son. Ouais, ouais, ouais, ouais, grave. Tu vois, ouais, grave. C'est grave pour s'endormir. Non, il est bien. On va se le faire dans quelques secondes. Mais en fait, on a été dépassé par nos espérances. On s'est dit, tiens, on a envie de casser un petit peu les habitudes et avoir un contact direct avec vous, au-delà de l'émission, pareil, hein, avec le WhatsApp. Mais on s'attendait pas à ce que le WhatsApp se mette à bugger tellement vous envoyez des messages. Et c'est un truc de ouf. C'est, ouais, quand t'imagines toute la Belgique en envoie. Je suis sûr qu'ils reçoivent Facebook, là, ils reçoivent des notifications. Genre, il y a un numéro en Belgique. Ouais, il y a un numéro en Belgique bizarre. En fait, il est en train de contourner notre système, on dirait qu'il utilise le WhatsApp comme un Instagram, les gars. Faudrait qu'on vérifie ce qui se passe. Faudrait faire payer tout ça. C'est ouais, grave, ça c'est encore un mec venu d'Afrique qui a trouvé une connerie. Je souhaite vraiment courage à Simo qui m'envoie c'est la merde. Effectivement, visiblement, c'est encore full embouteillage. Donc, courage à vous, les amis, si vous êtes dans des grandes villes en train de nous écouter. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marco avec nous dans le standard ce soir. Attends, je te le mets. Ouais, vas-y, mets-le moi parce que le standard il déconne. Allô, Marco. Salut, Vince, salut, l'équipe. Yo, Marco, la maison. Énergie. Comment ça va, Marco? Tranquille, et vous? Mais ça va très bien, mon pote. Et hey, c'est quoi ta spécialité à toi? Ah, moi, bah, c'est le sport et lire des mangas. Ah, le sport et quoi d'autre, t'as dit? Lire des mangas. Lire des mangas. Ouais. Mesdames et messieurs, maximum de bruit pour Tolga de Manga Brossel, ouais, s'il vous plaît. Bonsoir Tolga, comment Bonsoir. Ça va? Super, super, et vous? Eh ben, bien, comme tous les lundis, parfois le mardi, mais généralement le lundi, t'es ici avec nous pour offrir des cadeaux, des mangas, et on a pas mal de choses à raconter puisque tu vas faire du lourd là dimanche prochain, il faut le préciser. Ouais, c'est ça. On en parlera après, en tout cas, bienvenue à toi. Et les amis, petit topo de l'émission ce soir, on a du lourd, étant donné qu'on a le prank de l'extrême qui va arriver, le Gimbo 5, du bébé, j'ai déconné, vous savez pas c'est quoi tout ça? Eh ben, écoutez l'émission, vous allez le découvrir, en tout cas, vous allez vous marrer. Le dossier, mon dossier ce soir, la jalousie, jusqu'où est-ce que vous avez déjà été par jalousie, les amis? Il y a un auditeur qui va nous raconter un truc de ouf tout à l'heure, vous allez être surpris à mon avis. Et puis une auditrice aussi qui dit que son mec passe plus de temps sur sa PS4 qu'avec elle. Voilà, est-ce que t'es accro aux jeux vidéo? Est-ce que tu connais des gens méga accros? Eh ben dis-moi tout et on en parle tout de suite dans l'émission, là ça va arriver. Et n'oubliez pas le quiz manga avec Marco qui va s'y coller contre Mickaël qui est là également. Est-ce qu'on sait me mettre Mickaël online, s'il vous plaît? Allô Mickaël? Allô Mickaël? Oui, bonjour à tous. Oh, Mickaël est dans la maison! Énergie. Les amis, vous allez vous affronter dans un quiz manga et on offre aussi des cadeaux à ceux qui trouvent un maximum de bonnes réponses sur le numéro WhatsApp 0492 222 002. Vous êtes prêts, Marco et Mickaël? Ils sont prêts. Lady Gaga tout de suite sur Énergie. Avec Bradley Cooper, ça s'appelle Shallow. Et on nous dit Vince Public Cible 15-25, j'en ai 33, je suis un gamin, je vous adore. Bon, moi j'ai 32, et t'inquiète pas, il y a tout le monde qui nous écoute dans l'émission du soir. On va casser les clichés, les amis. Mais vous êtes là de 13 jusqu'à 77 ans, c'est pas une blague. Bon, pas déconner non plus. Mais jusqu'à 60, facile. Bah évidemment. On arrive. Vince est dans la maison! Are you happy? Et dans tous les homes de Belgique. Oh putain, j'ai coupé son micro quand elle a voulu dire ça, la pauvre. On arrive. Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Sometimes I fear myself. Alizé dans la maison sur Énergie. Attention, cette émission dépasse les limites des bords des frontières. Peggy 18. C'est très français ça, limite des bords des frontières. Je crois pas, non. Bienvenue sur Énergie, Vince, c'est dans la maison, 21h15. Merci pour tous vos messages, là. Vous envoyez de temps en temps sur, en note vocale et tout sur WhatsApp. Et ça fait plaisir. J'en ai compilé quelques-unes que vous avez envoyées d'ailleurs. Hein. Laura est dans la maison. Oh, c'est trop cool. Alizé dans la maison. Sur Énergie. Sur Énergie. Ça fait plaisir, ça. 0492 222 002. Même au Luxembourg, on t'écoute, Vince. Ah, merci, mon pote. C'est gentil. Il y a plein de nouveaux ce soir, hein, je tiens à préciser. En vrai, Nigel, t'es top. Grande gueule, faux méchant, empathie. Proche de zéro à l'antenne. Oh. Je suis sûr que t'as un gars en or. C'est le message qui t'a envoyé. Évitez de m'envoyer. Déjà, tous les fragiles qui m'envoient des messages sur Instagram, je suis pas votre pote. Ok, merci. C'est quoi ton Instagram d'ailleurs? Nigel Sanchez underscore. Donc N-I-G-E-L Sanchez underscore. Voilà, non, donc, en underscore, c'est tiré du bas. T'as pas vu qu'elle a liké ma dernière photo? Oh là là, mesdames et messieurs, excusez-nous. On s'incline. Elle nous a mis K.O. Ah ouais. Lara a mis une photo d'elle. Attention, une photo en chaise roulante. J'ai pas compris. Et visiblement. Ça fait plaisir à quelqu'un puisqu'elle a été likée par personne d'autre que Booba. Ah ouais. Alors que la photo de Lara, tu sais, elle a publié je sais pas à quelle heure. Moi quand je l'ai vue, elle était genre à 20 likes. Bah, et dans les 20 likes, je vois Booba liker. Je me dis, mais d'où? Mais d'où? Mais, oh, bon, mais pourquoi? Je vais me la péter, mais on se connaît depuis longtemps. Oh pardon, oh là là, excusez-nous non, encore. Mais j'avoue que ça m'a aussi surprise. Je me suis dit, tiens. Ouais, mais c'est parce que tu l'as raconté dans la photo. Quoi. Mais j'ai mis aussi la légende trésor caché à Ziguinchor, ton pays, je sais où c'est. Oui, Ziguinchor, c'est une ville au Sénégal, effectivement. Après, il a kiffé ma photo. Attends, ouais, mais après, dans la photo, t'es en chaise roulante. Du coup, il s'est dit, oh, c'est une petite fan qui est tétraplégique, je vais liker. Ouais. Ou alors, il a dû croire qu'elle s'est fait péter le bardon. Je peux pas. Je peux pas être trop tôt, 21h17. Alors à 3, parce que je suis trop balèze. Merci. Joli, très joli. Bon les amis, on va se faire un petit sujet tranquille après la jalousie. Jusqu'où est-ce que vous avez déjà été par jalousie? Un auditeur est prêt à nous raconter un truc de ouf. Et puis vous aussi, venez nous le raconter les amis. 0492 222 002. Merci pour tous vos messages ce soir. Il y a plein de nouveaux là qui sont arrivés ce soir. Ça fait bien bien bien plaisir d'ailleurs. Et j'adore parce qu'il y a toujours des auditeurs qui m'envoient des énigmes, tu sais, en écrit. Ah ouais. Moi je voudrais faire un casting de l'auditeur qui va m'envoyer une énigme vocale. C'est genre, on a Damien. Ah. Damien, c'est un auditeur fidèle, il nous envoie toujours des photos de son derrière avec qu'est-ce qu'il a mis dedans. Non, mais c'est très sérieux, hein. On fait toujours ça après 22h parce que c'est quand même un peu hardcore parfois, même si vous le voyez pas. C'est pas vraiment dans son pet, hein. C'est entre ses fesses. Entre ses fesses, exactement. Bon, ça reste dégueulasse, mais. Exactement. D'ailleurs, il m'a envoyé une petite note vocale. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ça m'étonne même pas, je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas. Il est encore plus haut que d'habitude. Les amis, attention, on va récupérer. Marco dans le standard. Attends, je te le mets. Bah, ça va, voilà, il est là. Voilà, c'est bon, je peux les mettre. C'est juste le tactile qui fonctionne plus. Ah, merde. Marco, est-ce que tu me reçois? Oui, oui. Formidable. Mickaël, est-ce que tu me reçois aussi? Oui, bien sûr. Ah, Marco et Mickaël sont dans la maison. Sur Énergie. Les amis, le principe est simple. Vous allez, à tour de rôle, devoir répondre à des questions de quiz. C'est le quiz de Manga Brussels avec Tolga qui est là, qui est juge. Hein, voilà, enfin, je connais mieux que lui les mangas, mais bon, c'est pas grave. En fait, lui, il est juge juste pour dire ouais, je vais bien donner des cadeaux. D'ailleurs, Tolga, la semaine dernière, t'as dit à un auditeur qu'il allait gagner un cadeau, donc une figurine. Ouais. Et qu'il devait venir te voir. Donc, il est venu nous parler en privé. Ouais. Donc, ce serait bien que tu lui répondes sur Instagram parce qu'il t'a envoyé un message. Ça va, ok. Le beau regard, tu l'as mis après. Ouais, je suis hey, je vous explique, je demande un bic et Lara, elle me trouve un bic qui est enfoncé dans un. Mais oui, comme quand tu vas à la mutuelle et que t'as un bic accroché à une, ouais, une sorte de socle. Une ficelle. Voilà, avec une ficelle et tout, et un socle. Et elle a voulu me jeter le socle à la gueule, quoi. Allez, c'est il parti. Il se passe des choses en antenne, vous n'en savez même pas. Vous n'imaginez pas à quel point. C'est parti, on commence avec le plus jeune, Mickaël et Marco. On va voir qui est le plus jeune. Vous dites votre âge dans 3 secondes. 1, 2, 3. 24 novembre 2004. Pff, ok, bah Marco, j'ai entendu 2004, c'est le plus jeune. Ah ouais. C'est ça parti. Fait quoi? Mais c'est non, 24 ans. Bah, 20, non, et l'autre, il a quel âge? 24 et l'autre, il est en 2004. Ah non, je n'ai pas calculé, merci. C'est pas grave, Lara, t'inquiète pas, 14 ans. Il a 14 ans. Ouais, ouais. D'accord. On commence avec Marco. Marco, question 1. Dans Dragon Ball, Chaozu a sous son chapeau. Réponse A, rien du tout. Réponse B, un cheveu. Réponse C, une touffe de cheveux. Réponse 4, un chasuble. Tais-toi. Un cheveu est une bonne réponse. C'est un canicordi. Voilà, bonne culture de Dragon Ball. Très bien. Attention, bravo. Question pour Mickaël. Comment s'appelle la marque d'Orochimaru? Pardon, excusez-moi. Comment s'appelle la marque qu'Orochimaru inflige à Sasuke? Je vais y arriver. What? Oh, putain. Comment s'appelle la marque qu'Orochimaru inflige à Sasuke? Réponse A, la marque interdite. Réponse B, la marque morbide. Ou réponse C, la marque maudite. La marque interdite, morbide ou maudite. Maudite. Maudite est une bonne réponse. Bravo. Tout ça avec du hasard. Alors, je précise que vous devez aussi jouer avec nous, les amis, si jamais vous voulez aussi repartir du côté des auditeurs, là, avec le numéro WhatsApp, avec des cadeaux, si vous trouvez un maximum de bonnes réponses. Je vous donne le numéro, c'est 0492-222-002, 0492-222-002. Ton bic, oui, c'est je un sais, bruit c'est mon bic qui... dérangeant. Quoi. Sorry, ça va. Bon, t'es mes parce que je sais, j'anime avec mes mains qui vont dans tous les sens, c'est pour ça. Ça, c'est un réanimateur. Alors, merci. Ouais. C'est parti. Quelle est l'évolution finale de Carapuce pour Marco? Oh, Carapute. Alors, je donne les trois propositions. A, Tortank. B, Carabaf. C, Tortuga. Carabaf. Marco. Un Tortank énorme sec. Allez, Tortank, bonne réponse. Comment? Tortank. Tortank. Ouais. Il a rigolé avec Carabaf, mais Carabaf, c'est la deuxième transformation. Ah ouais. Et Carapils. Ça, c'est quand ils sont fightés, ils ont mal, il faut un petit peu les. Voilà, il faut un peu les endormir. Question 4, ça c'est pour Mickaël. Dans Harry Potter, qui est Buck? A, un élève de Serre d'Aigle. B, un hippogriffe. Ou C, un fantôme de Poudlard? Attention, et vite, parce que je sens le Google là derrière. Hein. Donc, dans Harry Potter. Oui, mais on t'entend super mal, Mickaël, en fait. Hein. Ah ouais. Mickaël? Vous m'entendez mal? Oui, ouais. Bah, enlève ton haut-parleur ou ton kit-oreillette. Non, je suis pas sur haut-parleur là. Ah ouais, c'est ton téléphone qui est bizarre avec alors. Ta bouche dedans. Bah, attends, on va essayer de faire avec. Bon. Dans Harry Potter, qui est Buck? Un élève de Serre d'Aigle? B, un hippogriffe? Ou C, un fantôme de Poudlard? 3, 2, 1. T'as dit quoi? Eh putain, Mickaël, on capte pas. Hein. Mais il cherche grave sur internet. Ouais, ça mais de toute façon, je peux pas valider. Moi aussi, c'est faux. Hein. C'est direct. Mais oh! Non, mais les gars, restez près de vos téléphones. Restez près de vos téléphones, sinon on vous entend plus. C'est pas possible. Hey, lâchez votre haut-parleur là. Bon. Putain, j'entends plus ce bruit là. Qui nous fait chier. J'entends bruit le plus le bruit de la chaîne du bic. Ah, pour pas qu'on le vole que Mickaël. C'est arrête, un truc de ouf quand même. Pour pas qu'on le vole, mais horrible ce bic. Ouais, bon, Mickaël. Ouais, mais non, c'est trop tard, je peux plus valider la réponse, mis trop de temps de toute façon. J'avais dit A de toute façon. T'avais dit A de toute façon, ouais, mais de toute façon, attendez, je te passe au standard parce qu'on le capte pas bien du tout, notre ami là. Ouais, ouais. Il va falloir qu'on fasse un truc. Entre temps, on va se faire parce que là pour l'instant, on est à une avance pour Marco, je tiens à préciser, avance au niveau des points. Bravo, et la Marco. Suite, ça arrive juste après Klingon Day avec Wonder sur NRJ. Le temps de rétablir la connexion. La question 5, elle est sympa. La question 6 aussi. Bienvenue sur NRJ. On est en direct. C'est le quiz manga pour repartir avec des figurines collector de chez Manga Brussels. Leader en termes de manga. Et d'ailleurs, on va parler d'un événement de ouf qui va peut-être vous plaire. Ça va être dans quelques instants. Ça va se passer à Manga Brussels. Into the north and to the south, to the west and wonders. Burning all desires, tell me should we go somewhere high together now, till the eastern colors. Love is undercover. I will ride to the north and to the south, to the west and wonders. Learning all desires, tell me should we go somewhere high together now, till the eastern colors. Love is undercover. tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Aimerais, c'est dans la maison. Et ça fait plaisir. Et merci. Bienvenue sur Energy Bean, c'est dans la maison. Mais voilà, mais vous êtes pro, la team, c'est incroyable. 21h25. Bon, on va voir si on entend mieux notre équipe là. Si vous venez d'arriver sur Energy, on va parler de jalousie dans quelques instants. On a également pour ce soir là du bébé, j'ai déconné. On a prévu le prank de l'extrême. Tout yes. ça va arriver ce soir dans l'émission. Du Give Mo 5 aussi. Et puis on va également parler d'un autre truc très important, à savoir les mecs qui passent trop de temps devant leurs jeux vidéo. Ou peut-être votre meuf, hein. On ouais, sait jamais, ça peut être possible devant les Sims. C'est gros cliché. Parce que les meufs, elles arrêtent pas de jouer à Call of. Ah oui? Ah, elle me, je te jure, il y a une meuf que je connais là, je jouais contre elle, elle me headshotait et tout. Modern Warfare 3 à l'époque. Sérieux? Ouais, je sais pas ce qu'elle est devenue dans le game d'ailleurs. Je me pose la question. Mais bon, encore bref. Une gameuse. Ouais, bah tant mieux. C'est vrai que la majorité des filles, parce que c'est 50-50 le taux d'utilisation de jeux vidéo, garçons-filles. C'est 50-50. On pense que c'est les mecs qui jouent plus. Non, c'est garçons et filles. Ah, sauf vrai. Que les mecs, c'est plus sur console et les filles, c'est plus sur des Nintendo DS et les applications. Ah bon? Okay. Voilà. Je savais pas ça. Eh ben, j'espère vous avoir appris un truc ce soir. Merci, monsieur. Avec plaisir. On récupère Marco et Mickaël. Est-ce que vous me recevez correctement d'abord, Marco? Putain, mais c'est blague. Ouais, mais je sais pas, est-ce qu'on appelle dans des endroits où il n'y a pas de réseau, mais là, c'est complètement galère. Et est-ce qu'on entend mieux Mickaël? Oui, là, oui. Ah, bah tiens, Mickaël, oui. Quel okay. progrès. Allez, les amis, la suite de Manga Brussels, le quiz. C'est maintenant. Bon, espérons qu'on récupère correctement Marco. Marco, est-ce que c'est mieux là, Marco? Oui, ça va. Ok, voilà, bon. C'est un miracle. Nous, on essaie de tout faire au mieux, mais c'est parfois les réseaux, ils déconnent. Hein. Bon. Ouais, c'est ça, ouais. On en était à 2-1 pour Marco. Attention. On arrive à Remarco encore. Marco, tu peux faire 3-1. Que je regarde bien. C'est bon, on y est. Hunter x Hunter ou Hunter Hunter a pour héros. Réponse A, Ron. Réponse B, Pon. Réponse C, Gon. C'est parti. Gon. Gon est une bonne réponse. Putain, il est chou, lui. Joli, joli. Très bien. Bravo. Bravo. Impressionnant. Propre. Épanouissant. Net. Cuite. Que je dise pas de conneries, t'as donné combien de bonnes réponses, Mickaël? 3. Une. Ah, une, voilà. On est bien d'accord. Une. Attention. Hein? Mickaël. Qui est le frère de Sasuke? A, Itachi. B, Madara. C, Obito. Itachi. Bonne réponse. Bravo. C'est pas une marque de... télévision. Avec un H, ouais, Itachi. C'est sans le H. Oh. Attention, donc pour l'instant, on est à 3-2. On arrive de nouveau à notre ami Marco. Marco, qui est le héros de Kingdom Hearts? A, Dora. B, Sora. C, Tora. Tora. Tora est une mauvaise réponse. C'était Sora. J'ai dit Sora. Non. Non, non, nous on a entendu Thorin. Non, il a dit Sora. Attends, qu'est-ce qui se passe, Tolga? Tu penses quoi? Non, il a dit Sora. Il a dit Sora, c'est vrai? Non. Si, pour moi aussi. Ah, hein. Si, pour moi aussi. C'est bon, quoi. Moi j'ai entendu Thorin, mais bon, bref, moi c'est aussi. Bon. Bah, Tolga, on va appeler Soga alors. Voilà, Solga. Non, c'est bon, je te le valide. Arrête de te plaindre. Bon, pour l'instant, c'est 4-2 quand même, pas mal. Attention, ça peut faire 4-3 maintenant. C'est parti pour Mickaël. Et allez-y aussi sur le WhatsApp 0492 222 002. Tortue Géniale est un personnage de Naruto, Dragon Ball, Ranma 1/2. Dragon Ball. Bonne réponse, voilà. C'était pas sûr, on est d'accord. Calm down. 3, 4. Hassan. Attention, parce que si maintenant il arrive à marquer son cinquième point, c'est la victoire de Marco. Il faut répondre très rapidement, Marco. Iron Man fait partie de quel univers? DC Comics, Marvel, aucun des deux? Marvel. Marvel. Ouais. Non, c'est Marvel parce que l'autre, il a dit Marley. Eh ben, Marvel est une bonne réponse qui signifie que c'est la victoire de Marco. Ouais, c'est celui qu'on entendait le moins, mais c'est quand même lui qui a gagné. Non, c'est lui qu'on entendait le mieux. Ah, ok, je dis n'importe quoi. Oui, ça dépendait avant ou après le son qu'on a joué, c'est pour ça. Mickaël, surtout, t'inquiète pas, on va prendre tes coordonnées également en antenne pour te filer un petit truc parce que voilà, t'es bien défendu, ça va? Ça va. Oh, il y a de la déception dans la main. Non, mais c'est bien, on va lui filer une capote manga. Arrête, putain. Et je suis sûr qu'un jour, ils vont faire ça. Regarde sa tête. Non, mais j'ai regarde sa tête de néolibéral. T'as vu sa tête là d'entrepreneur. Genre, oh, génial l'idée. Eh, mais on va faire un max de blé. Ah ouais. Comme c'est une question de sécurité, ça peut s'appeler les capotes manga sûres. Ah ouais, parce que c'est manga et sûr. Manga sûr, voilà. Voilà. Ok, il n'a pas compris. Regarde sa tête, il n'a pas compris. Mais il connaîtra en manga, celui-là. Regarde, tu peux mettre Goo Sushi, ça pourrait être pas mal. Ça comme ça. Comme ça, on reste dans le même délire. Mais ça, t'en as pas besoin. Ouais. Ah, joli. Très joli. Ça passera pas. Voilà. C'est pas grave, on le propose en publicité, ce qui vient de se passer. Nathalie était déjà en train de noter le truc. J'ai dit non, ça passera pas. Non, je vous explique, les auditeurs, vous devez comprendre un truc. Quand il y a une punchline qui est balancée dans l'émission, on le note toujours pour demander à notre directeur des programmes et notre brand manager, Nico, Pader, s'il est possible de le mettre en publicité en journée, comme ça vous le réentendez. Mais sauf que généralement, tout ce qu'on lui envoie, il fait non, transsexuel. Non, ça parle que de cul. Non, trop trash. Bon, Marco, on prend tes coordonnées en antenne. Bravo à toi, mon pote. Félicitations. A bientôt, bisous. Allez, au revoir. Faut lui envoyer à nouveau le téléphone. Ciao, les gars. Ouais, au lieu de lui envoyer des figurines. Bah, vas-y, paye le téléphone. Hein. Bon, les amis, avant d'avoir Ilias et Jimmy là dans le standard, puisqu'on va parler de la jalousie dans quelques instants, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de magasins en concurrence avec toi qui vont être jaloux là, hein, pour ce que tu vas faire dimanche. Ouais, c'est ça. On l'annonce ou tu l'annonces? Tu peux l'annoncer. Mais quel vendeur! Mais parce que t'es là, ouais, je te mets bien. En fait, je pensais pas que tu parlais à moi en fait. Ah putain, il est énorme. Y a qui d'autre de Manga Bruxelles dans la place? Je te jure. Bon, Tolga, c'est le patron de Manga Bruxelles, pour ceux qui connaissent pas et qui ont toujours pas été voir, c'est à Bruxelles, au centre-ville. Bah, toute la Belgique te connaît, puisqu'on peut commander online sur mangabrosseuse.be. Tu nous files aussi tout plein de figurines ici à offrir. Voilà, des figurines collector, que ce soit Dragon Ball, One Piece. C'est quand que tu me ramènes du Full Metal Alchemist? On n'en a pas pour l'instant, je pense. Ah, t'en avais une sympa en plus. Et Cheveux du Zodiac et tout, là, Senseiya. Ah, ça, on a. Je peux t'en ramener une. Ah, bah, avec plaisir. C'est l'ombre aussi. Ah ouais, chouette, j'adore. Mais t'as vu, à chaque fois, il est vraiment en disant c'est cher. Argent. Exactement. Et donc, bah, en tant que magasin, situé à la Bourse de la Bruxelles, dimanche, tu vas ramener une voix mythique, en fait. C'est ça, la voix de Vegeta. Voilà. Bravo. Ah, bravo. Donc, Éric Legrand. Éric Legrand, ouais. Le comédien qui a doublé Vegeta dans Dragon Ball et Dragon Ball Z et tout. Enfin, principalement dans Dragon Ball Z. Et maintenant, dans Dragon Ball Super, sera donc à ton magasin dimanche, à quelle heure? À partir de 15h jusqu'à 19h30. Waouh! Splendide. Donc là-bas, bah, tu sais, le kiff idéal, tu te prends une figurine Vegeta, tap, tu la fais dédicacer par la voix, c'est magique et tout. Bah... C'est ça, ben voilà, c'est pour les fans hein, de Dragon Ball. On avait beaucoup de demandes, donc voilà. Non, mais Vegeta, c'est une voix mythique de ouf. Hein. Moi, pour ce mec-là, c'est un truc de dingue. Éric Legrand, j'ai vu des conventions où il y avait tellement de monde qui était là-bas pour lui, c'est juste hallucinant, quoi. Donc, respect, bravo, bravo! Bravo! Les amis, plus d'infos, bien sûr, bah, sur ton Facebook ou ton Instagram, c'est Manga Brussels, ça. Hein. C'est ça, tout est annoncé sur les deux. Eh ben, impeccable. On arrive tout de suite sur NRJ, bougez pas, on est en live. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... Pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Mi respirar, contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelal. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Dile que tú eres mía. Le soir, dès 21h. Vince est sur Énergie. Allez, soyez bienvenus sur Énergie. Tout de suite, on va se faire un petit kiff avec Marshmello. Ça s'appelle Happier. Il est vraiment bien ce morceau, il nous met toujours bien. Et merci pour vos messages là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me dit: salut Vince et toute l'équipe, pourrais-tu faire une dédicace de ma part à tous les élèves de Saint-André à Ramenichin, signé Toine. Voilà, j'espère que voilà, est-ce que tu peux répondre à tout le monde? Ça doit être chaud. Stop, passe mon message, je t'écoute depuis 5 ans. Et bien merci à toi. Effectivement, ça fait des années qu'on fait de la radio les amis. On a démarré sur Énergie le 20, c'est tout, et vous avez pas idée à quel point on est super reconnaissant pour tous les messages que vous envoyez, c'est super cool. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So de retour, on va tout péter, on est dans la maison, on est dans la maison, on est dans la maison, on est dans la maison sur Énergie. Il y en a qui sont motivés. Le soir, du lundi au vendredi, dès 21h, Vince est sur Énergie. Mon micro, Énergie, c'est gentil, parfois je me troll moi-même, j'appuie pas sur le bon bouton. J'espère que vous allez bien tout le monde, 21h38, et il y a plein de nouveaux ce soir, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont encore faire bugger le WhatsApp. Non mais on dirait qu'ils ont passé le mot tout le week-end, genre ouais vas-y mets le numéro de téléphone, écoute Énergie et tout, salutations à tous les nouveaux. J'ai que des nouveaux hein, sur mon WhatsApp, c'est un truc de ouf, ouais ouais. Par exemple quelqu'un qui aime des dédicaces à l'achat, ça fait 2 ans que je t'écoute Vince, vous êtes les meilleurs dédicaces à tous les Géorgiens, voilà, message bien passé. Vince, ouais un vrai quiz culture générale style le quiz des champions avec les questions pas simples. Ah ouais, on pourrait faire ça une fois. Ah ouais, ça peut être marrant. Ouais. Lara, elle est trop forte à question pour un champion par exemple. Et du coup, faudrait peut-être inviter quelqu'un de la télé-réalité pour faire ce jeu là. Jouer contre moi. On devrait inviter Julien Lepers, un de ces quatre. Ah, ouais. Il a plus de job pour l'instant donc. En plus, on a plein de boutons. Mais, Julien Lepers. Oh là là là là là. Très joli ça. Bon, vite fait. On peut mettre ça en pub, mais y a pas de rien sexuel. Ouais, mais 2 sur 10 quand même. Vince, vous avez animé ma soirée, continuez comme ça. Merci en tout cas, c'est gentil. Et yo la team, est-ce que vous pouvez faire une dédicace à mes deux frères Harry et Anna et aussi au deuxième de l'année de l'Athénée Date? Ah bah message passé, je vous salue encore l'Athénée Date. C'était magique quand je suis passé là-bas la dernière fois. Antoine. Ouais, on est dans la maison, bande de petits strapontins. Oh j'ai eu peur. J'ai eu grave peur. Bande de petits strapontins. Oh, on adore. I love you. Et un coucou à Chloé Vin, j'espère que ça va vous, moi ça va. Je peux dormir plus tard demain, je commence seulement à 9h20. Chloé, bah tu nous écouteras encore plus tard. Et ça fait plaisir. Bisous à Django aussi là qui arrête pas de m'envoyer des notes vocales ce soir là. Qu'est-ce qui se passe? Vince est dans la maison. C'est l'énergie. Et Marcel. Je vous salue tous. Merci. Merci. Bonsoir à toute l'équipe. Merci. Attends, Django, il est trop long. Et vous, Jarvis. Je vous salue tous. Bonsoir à toute l'équipe. C'est pour vous dire que je vous aime tous. Et je vous félicite pour tous les biens que vous nous faites avec votre émission. C'est si fier de toi. Sarah est à la maison. Énergie. Comme tu le dis. J'adore quand tu le dis. Oh my god. Merci Django, c'est gentil pour ton message. Franchement, c'est super cool. Il y a plein de messages qui arrivent ce soir. On va essayer de lire un maximum de monde. Ça risque pas d'être facile, mais en tout cas, on va faire du mieux qu'on peut, les amis. Comme ça, vous savez, là, 0492 222 002 sur WhatsApp. Et si jamais je le dis trop vite, il y a toujours Richard qui assure. 0492 222 002. Et vive les urophiles. Les quoi? Les gyrophiles, je ne connaissais pas ça. Bon les amis, on a Ilias qui est avec nous dans le standard. J'ai le temps d'essayer de cliquer pour l'accueillir. Il est là, salut. Et salut Ilias, comment ça va? Salut Vince, c'est l'équipe. Ouais, Ilias est dans la maison. Ouais, comme mon pote, tu viens de quelle ville, dis-moi? Je viens de Bruxelles. Ah, BXV. Bruxelles V. Bienvenue à toi Ilias. Par contre, faut qu'on parle de ça. Quoi ça? Pourquoi il y a genre une moitié de la population qui dit Bruxelles et l'autre moitié qui dit Bruxelles? Ah non, pas maintenant. Oh, tu veux lancer ce débat maintenant alors qu'on va parler de jalousie? Mais pour, si je t'aime, je suis jaloux. Ça y est, c'est bon. Tu sais, je l'ai mis sur un autre délire là. C'est comme les enfants. Oh, ouais, complètement. Diversion. Jajou. Hey, c'est genre ma fille. Et ma fille qui arrive. Papa, comment on fait les bébés? Tu veux qu'on joue à Spider-Man? Oui. Hop là. C'est une technique pour aveugler ça, tu vois. Taïoken. Bon, oh my God, Ilias, mon pote, qu'est-ce que t'as déjà fait? Alors, ça, c'est le sujet de ce soir, on en parle avec vous les amis. La jalousie, jusqu'où vous avez déjà été par jalousie? Et toi, t'as déjà été jusqu'où, Ilias, là? Franchement, là, c'est une histoire de starpé, hein. Je vais t'expliquer direct. Tu es curieux, vas-y, raconte-nous tout. Ma copine, elle m'a cassé la tête pour aller à Marrakech. Donc déjà, Marrakech, ils font la malade là-bas. Moi, c'est pas mon délire, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Ah, puis je me dis, ok, bon... Il y avait plein d'histoires avant ça, il y avait de la jalousie et tout, tu vois. Enfin bref, j'étais pas trop chaud de la laisser aller, tu vois, j'avais pas confiance. Ah non, mais laisser aller à Marrakech, c'est pour finir dans un clip de Soprano et Gradure. Ah ouais, si vous avez suivi cette histoire. Oh putain. Si vous avez suivi cette histoire. Non, mais alors il faut préciser un truc pour les auditeurs qui connaissent pas Marrakech. J'ai eu l'occasion d'aller deux fois, c'est vraiment un kiff total. Ah, c'est trop bien. Il y a le côté, tu sais, très traditionnel, authentique. Et puis il y a le côté Marrakech. Et puis t'as la. Voilà, et puis t'as. C'est ça. Parce que je n'ai pas compris. J'ai dit c'est ça, mais j'ai pas compris. Désolé, je parle pas arabe, frère. Donc voilà. Je parle ton frère. Voilà. Mais c'est pas grave. Bon, t'es sûr? Pourtant, t'es le parrain de mon fils, donc va falloir expliquer. Ouais, j'avoue. Non, mais là, vraiment, le parrain de mon fils, c'est une autre histoire. Bref. Et donc, là-bas, à Marrakech, voilà, t'as ce côté très authentique, etc. La place Jemaa el Fna, c'est ça, je crois, le nom? Ouais, Jemaa el Fna, ouais. Voilà, qui est super cool et tout. Mais par contre, t'as aussi la fête. C'est ça, beach, Nikki beach. C'est ça, exactement. Ouais. T'as la fête et t'as l'alcoolisme et t'as tout ça, tu vois. Ouais, voilà. Un lieu de villégiature. Voilà. Et donc, du coup, voilà, quand tu dis je pars à Marrakech avec des copines, c'est la fête quoi. C'est bizarre là. C'est pas pour aller prendre des oranges là, sur la place Jemaa el Fna, tu vois ce que je veux dire. C'est voilà, c'est pour plus que ça généralement. On est d'accord. Tu vois. C'est pour du jus d'orange. Voilà. Et donc raconte-nous la suite. Très bien pressé. Voilà. Et alors? Donc j'ai vu ça, j'ai dit c'est quoi ce délire. Donc j'en ai parlé avec mes potes, ils me disent ouais c'est pas normal et tout et tout. J'ai dit tu sais quoi, va à ton Marrakech. Moi pour l'instant c'est pas mon délire. Mais on va reparler. Ah, je le sens, lui. C'est parti en couille. Et après là, elle est partie avec ses copines et tout. Puis je me suis dit, tu sais quoi, en vérité, moi, j'avais pas de thune à ce moment-là, tu vois. J'étais encore student et tout, tu vois. Puis c'est tout, je vais sur une plateforme, je fais une récolte de fonds, là, tu vois. Comment ça, t'as fait une plateforme récolte de fonds? T'as fait quoi? T'as fait quoi, en fait? Non, attends, je comprends pas. Ouais. C'est quoi? J'ai récolté des sous. Non, mais t'as fait une vente. Mais t'as fait comment? T'as fait un crowdfunding? Ouais. C'est une blague. Mais attends, mais c'était quoi l'argument de ton crowdfunding? Parce que quand tu fais ça, généralement, on te demande plein d'infos, on te demande que ce soit un but sociétal. Il était où le but? Genre, je suis jaloux. C'est pour aider des prostituées dans le besoin. Non, ah, attends. C'est une blague. C'est une blague. T'as inventé un truc. Bah, techniquement, il a vite été sauvé sa meuf, donc. Mais c'est pas gentil. Oh, c'est pas cool. Non, mais attends, donc t'as fait un crowdfunding sur le net et, ouais, et t'as, t'as gagné combien? Un petit 500, 600 euros, tu vois, c'est déjà quelque chose. Bah ouais, c'est super. Et non. Genre, c'est des crowdfunding comme ça? Les gens, ils t'ont donné ça gratuitement comme ça? Bah, je t'assure. Attends, attends, c'est pas fini. J'ai fait, est-ce que c'est avec cet argent? Tu vois, de partir là, perdu ce qu'il y a le festival, là, du rire Marrakech en juin. Ouais. Surtout, j'ai regardé les billets, j'ai vu que ça sortait en avril. J'ai vu les billets, j'ai pris direct deux places. D'accord. Je l'ai laissé partir à Marrakech avec ses copines et tout. Toi, le jeu Sofitel. Et après, je suis arrivé, j'ai pris l'avion, je suis descendu à Marrakech, Menara. J'ai pris le taxi. Attends, tu sens la couille. Attends, parce que je suis curieux. J'ai curieux. Je suis sûr qu'il va se passer un truc là. Ouais, attends, attends, j'arrive à Marrakech et là, je suis à l'hôtel le matin. Et j'envoie le type de la réception, je lui donne un petit billet de 50 dirhams. Je lui dis, regarde un peu la chambre telle, où est-ce qu'il y a un truc. Ma copine, elle est partie voir, elle leur dit le déjeuner, il est prêt, vous pouvez descendre. Elle descend et tout et tout. Et moi, j'arrive derrière elle et je fais alors, comme ça, on mange seul ou quoi? Quoi, c'est tout? Elle ton histoire, elle. Câble. Attends, il a pas fini, je crois. Elle a pété un câble. C'est elle tout? Dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, elle est devenue folle. Mais attends, mais pourquoi? Mais je croyais que tu l'avais prise en flagrant délit de quelque chose. Ouais, c'est ça, bah attends. Oh, moi je pensais qu'elle avait ken avec ton daron. C'est ça, moi je dois essayer de comprendre un truc. Non, mais t'abuses, toi. Je dois essayer de comprendre un truc. C'est fini l'histoire? En fait, tu l'as fait surprise, elle était fâchée parce que t'étais là, c'est tout. Ou il y a eu un autre truc? Non, en fait, il y a d'autres trucs. Moi j'ai entendu qu'elle parlait avec des types, tu vois. Ok, attends, t'as entendu ou t'as vu qu'elle parlait avec des types? J'ai vu. Non, mais attends, Ilias, quand t'es arrivé sur place, est-ce qu'elle était seule ou accompagnée? Elle était avec ses deux copines. Et ça, ok, est-ce qu'il y avait un mec dans l'histoire? Non. Et ben voilà, en fait, il était jaloux. Mais non, mais c'est pas possible. Non, mais en fait, t'as entendu qu'il y avait des histoires. C'est ton cerveau, il t'a dit, c'est tout. Ah ouais. Non, mais carrément, il a pris l'avion pour péter les vacances de sa copine, quoi. Non, mais c'est dégueulasse. Je suis arrivé, je me suis posé à voir en manche seul et tout. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle y croyait pas, elle a bugué son moment, tu vois. Elle dit, merde, je dois annuler Roberto. Merde, ah, merde, je vais m'inviter là. Je dois annuler mes soirées escortes qu'il y avait au Bloody. Non, mais bah, au final, Ilias, vous avez passé les vacances ensemble et tout, et c'est fini comme ça. Et voilà, juste eu le seum que tu l'as rejoint, quoi. Elle a eu le seum, il s'est cassé le délire avec ses copines. Bah ouais. Bah, après, ouais. Je l'ai sorti une petite enveloppe. Tiens, ou l'enveloppe. Elle a ouvert, elle a vu deux tickets, Marrakech du rire, elle me dit quoi? Ah ouais. Ah ouais, donc du coup t'as transformé ça en beau gosse. Attends. Voilà. Parce que moi je sens la couille, t'as eu combien dans ton crowdfunding? 600. Oh. Hey, une passe de Marrakech du rire, ça vaut pas 50 balles, gros. Non, ça dépend. Marrakech du rire, t'as plein de trucs. 250 euros. Ouais, mais t'as plein d'événements au Marrakech du rire, donc ça dépend quel événement il a participé. Mais c'est bon, il a pas dit déjà, qu'il avait. Jamais laissé ses amis. Je connais pas, moi j'ai jamais été au Marrakech du rire. C'est un festival, t'as ouais, non, mais je connais, c'est un festival d'humour et tout ça, et ils invitent plein de gens et tout ça, mais bon voilà, je sais pas du tout. Je sais qu'il y a plein d'événements différents, mais je connais pas les prix. En tout cas, Ilias, il a réussi à transformer sa méthode de méga jaloux en gosbo. Est-ce que toi t'es jaloux, Vince? Ah, de ouf. Mais j'arrive à contenir, tu vois, je contiens beaucoup plus qu'avant. Quand genre il y a un moment où je dois être jaloux, je laisse rien paraître, tu vois. C'est mes limites, ma meuf qui me fait des trucs genre, ouais, mais t'es pas assez jaloux, ça me fait chier. Je fais, tu veux que j'active le mode? Tu veux que j'enlève les chaînes? T'es pas prête, hein, fais gaffe. Ah, oui, ouais. Les chaînes comme Django. Trace leur GPS dans ta peau. Non. Non, pas déconner. Non, on va pas aller si loin. Le grand jeu, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Bah, bien récupéré en tout cas, Elias. Hein. On a Jimmy également qui est là dans le standard pour nous parler dans quelques instants. Pas Jimmy, en fait. Allô, Jimmy. Yo, JB est dans la maison! JB pour la 4, s'il vous plaît! Aïe, ça va, JB? Bonsoir à toute l'équipe! Bonsoir, JB! Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ils sont chelous! J'aime trop le thème de ce soir! Hein. Ah bah écoute, on en parle bien dans quelques instants, JB. Reste avec nous là. Lui, il a fait un truc par jalousie avec sa go. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez déjà fait par jalousie? C'est incroyable. Dès qu'on parle de jalousie, il y a tous les mecs qui arrivent. Mais ouais, je sais que les femmes, vous êtes aussi très fortes dans votre domaine. Ouais, hein. C'est dingue. Donc venez nous raconter l'histoire de votre ex, etc. De vos ex jaloux, etc. Moi, je vais vous raconter aussi un truc que mon ex, elle m'a fait. Je lui avais dit, bon, écoute, je dois aller DJ dans une soirée. Elle me croyait pas. Et elle me dit, toi DJ. Bah oui, et elle s'est pointée la soirée. Arrête. Et j'étais DJ. Mais faute de bol, t'avais appelé une groupie, je sais pas qui est montée à ce moment-là. Elle m'a dit, je le savais, bébé, oh putain, j'ai rien fait. Enfin, tu vois, c'est je... mon taf. Genre de, le ça genre fait de délire. Partie de mon taf. On en parle avec vous dans quelques instants. Vos réactions, dites-nous qu'est-ce que vous avez déjà vécu, votre jalousie, la jalousie des autres. 0492 222 002 sur WhatsApp. Voici Rita Ora avec Anywhere sur NRJ. On a le prank de l'extrême qui va arriver dans quelques instants. Welcome, Vince dans la faire quoi ce soir? On va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Hey, ça dit quoi sur WhatsApp? Jadoué dans la maison! Sur Énergie. Ouais, yeah. J'adore quand ça chuchote comme ça. Allez, welcome! Salutations à Moustapha qui est connecté à Anatole aussi. Hey Vince, on vous écoute chez Youn Market à Montigny-sur-Sambre. Oh, chouette! Ah, tuez... Hey, merci, c'est gentil ça. C'est quoi Youn Market? Je ne connais pas. Dis-nous, c'est quoi le magasin en question là, Moustapha, plus de détails. Et Anatole qui n'est Vince, tu lis pas mes messages. Il y en a beaucoup ce soir, j'essaie de faire un maximum. Donc du coup, je vais remonter un petit peu. Salut la team, enfin, je me suis ennuyé pendant le week-end, c'est pour ça que j'aime la semaine. Est-ce que tu peux faire une dédicace à mon frère Harry et Babé? Voilà, message bien passé. Hein. Et merci à ceux qui m'envoient des photos. Quelqu'un qui m'a envoyé des photos de ses cookies qu'il a préparé. Oh, c'est j'adore Hugo. C'est mon dessert préféré. Et alors il y a Mr Bone qui m'a envoyé une note vocale. Ah, Vix. Vix. Moi je suis jaloux. Oula la voix. Je suis jaloux. La pensée c'est votre. Ah gad. Merci pour le message. T'étais où? Vix. Vix. T'es malade, prends Vix. Coucou à Marco aussi, la dédicace à toute l'équipe qui vous écoute au travail comme moi. Et merci à. J'ai perdu le message, mais quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo sur ses transpalettes en train de bosser et de nous écouter en même temps, donc ça fait vachement plaisir. Et elle s'est fait aussi. Vince, que vous faites le jeu de l'aliment. Ouais, dépassé 22h, mon pote. T'inquiète pas, Damien, t'as pas oublié. En attendant, on récupère Jibi là dans le standard qui passe pour réagir à l'antenne sur le sujet de la jalousie. Est-ce que vous allô, aussi allô vous êtes jaloux? Yo, Jibi, tu nous reçois? Ça va, bien. Jibi Coco est dans la maison. Sur Énergie. Si. Jibi, alors raconte-nous, toi, qu'est-ce que t'as déjà fait, là, par jalousie? Ouais, dites-moi. Alors, bon, préparez un peu vos oreilles, là, parce que, franchement, ça, c'est un truc que je m'attendais pas. Hein. C'est vraiment une histoire réelle, en plus. Hein. Tu t'attendais pas à ta propre jalousie, vas-y, raconte. En fait, je suis pas vraiment jaloux à la base, mais cette fille, elle m'a poussé à être jaloux. Elle est coutue. Attendez, faut le dire. Il y a des meufs, elles sont fortes pour ça. Hein. Ah ouais. Ah, elles ont des techniques, etc. pour faire genre. Ouais, je sors. Hein. Et tu vas où? Ça te regarde pas. Ben si, on est en couple quand même. Ben non, ça te regarde pas de quoi, comment. Et, après, et tu vois, juste histoire de te de te provoquer et tout ça là. Ça c'est. Pour faire sortir de toi l'animal. Ouais, tu sais, ou des enroules dans le genre. Elle est dans son téléphone et puis toi tu jettes un coup d'œil comme ça discretos. Ou même tu regardes même pas, tu passes à côté d'elle et elle masque. Elle fait exprès, alors qu'elle fait rien de compromettant, elle fait exprès pour titiller ton instinct préhistorique de possession. C'est ça, ton vieil instinct d'homme des cavernes, genre à moi, propriété. Oh putain, tu touches pas des qui, tu vas à qui. Et donc du coup, Jimmy, t'as fait quoi là de d'hardcore gamer là avec ton ex ou ta copine, je sais pas quoi. Ouais, donc voilà, j'ai rencontré cette fille, je l'ai accostée dans la rue, on avait été porter son verre. Et donc voilà, on sortait avec elle. Et puis, on couche ensemble, voilà, comme ça. Et mais vous êtes tous des problèmes de réseau ce soir, je sais pas ce qui se passe. Réseau, frérot. Ça coupe, hein. JB, on n'a pas de connexion là, on t'a perdu, on te perd. Vous m'entendez pas? Bah écoute, on a des soucis de connexion, parfois ça coupe quoi. Donc fais gaffe que t'es bien, tout te débarre, hein. De réseau. Non, moi, tout est ok. Bah là, on t'entend. Mais ça résonne grave, comme si c'était le pape, comme ça. Ouais, vas-y, continue. Je vais essayer de s'utiliser du téléphone alors. Et il est con, quoi. Non, bah, ou c'est nos standards qui dégonnent, ou alors c'est je sais vrai, pas. Ça. Ou... Je crois que c'est vous, parce que moi je vous entends bien et ma voix le passe. Plus jamais tu dis que c'est nous. Bah, on va le noter pour la technique, on ne sait jamais. Ouais, on va le noter, ouais. Bon, continue ton histoire. Donc, t'as rencontré cette fille, vous êtes envoyé en l'air, vous avez fait ce que vous aviez à faire, nanana. Avec précaution, bien sûr. Un jour, je l'envoie un message, à voir. Et elle m'a dit qu'elle pouvait pas. Non, mais JB. Attends, on va changer, de téléphone juste pour voir là un petit peu si ça va. Allez, continue à t'exprimer. Vous m'entendez là? Parfait, ah oui, parfait. Oui. C'est le standard qui déconne, je crois. Vas-y, continue. Ah voilà, ok. Donc je continue. Donc je voulais la voir en fait. Et donc elle m'a dit non, je peux pas te voir, je suis occupé. Oh. Et moi j'ai trouvé ça bizarre parce que d'habitude elle me dit oui directement, tu vois. Et donc moi, ce que j'ai fait. J'ai un ami, c'est un geek, c'est un fou de l'informatique. Il avait une application où on pouvait contrôler des PC à distance. Oh non. Wow. Via le téléphone. Ça mais il faut le wifi de la personne, bien sûr. Et moi, je connaissais son wifi qui est ouvert, c'est le wifi de sa maison, donc open the bar, quoi. Donc je suis arrivé avec mon pote en voiture, on s'est garé pas loin. Oh. Et donc il a fait son truc, quoi, avec son application, il a connecté le PC. Donc il allume. En fait, elle a sa chambre, elle a juste son PC en face de son lit, quoi. Et donc il a activé le truc et la webcam elle s'est allumée. Mais oui. La salope, elle est avec un vieux. Oh non. Il avait des cheveux gris là. Il pendait tellement il avait des rides. Oh my god! J'étais pas prêt! Je m'attendais pas à ça non plus! Là, oh my god! Putain, c'est quoi ce truc de fou? Putain, t'as réussi à accéder à son truc! Hey, comment elle s'est cachée? C'est un truc. Mais wesh! Et comment j'ai fait un bisou sur le front de mon pote? Chez toi, t'es un pur toi, mon gars! Mais t'es sûr que c'était pas son grand-père? Non, la gueule! Attendez, c'est pas fini! Attendez, je vais raconter la suite! Ouais. Et donc, moi, ce que j'ai fait, on a attendu. Et je lui ai dit, coupe ça, je veux même plus voir ça. C'est de la viande fripée, ouais. Ouais, bon, que tu sois fripée ou pas, bref, elle te trompe quand même, tu vois. Il est mort de rire. Franchement, moi j'avais une envie, c'était rentrer et les taper tous les deux, mais bon. Oui, mais non. Ça m'a dit, calme-toi. C'est pas les vieux. Donc j'ai attendu. Les femmes non plus. Le vieux, il s'est barré. Et j'ai rien dit sur moi-même. Je voulais pas aller, j'étais trop énervé. Donc j'ai attendu le lendemain, quoi. Et donc quand j'ai été la voir. Et je lui ai dit directement, je fais, ouais, c'est qui ce vieux? Elle avait commencé à masquer au début. Je lui ai dit, comment ça? J'ai dit, j'ai des preuves. Et puis moi, j'ai screené juste un truc qu'il avait fait. Non. Et je lui ai montré. Il a fait quoi? Et là, elle est devenue blanche, elle est devenue pâle, sa tête, elle était presque. Elle est devenue vieille. Non, je voulais pas. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un vieux? J'ai dit, ça fait que combien de fois tu l'as vu? Quoi, toi? Moi, je t'embrasse, moi. Imagine pas, je suis son vieux. Le mec, il a juste pensé au fait qu'il a embrassé un vieux, tu vois, un bisou interposé. Elle m'a dit, non, c'est la première fois. Et pourquoi elle a fait après, ça? Après, j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, ouais, j'avais besoin d'argent. Oh, oh non d'argent. C'est encore pire. Oh merde, putain. Non, mais toi aussi, t'es pauvre. Après, là, j'étais. Franchement, j'ai dit, mais toi, c'est pas normal dans ta tête. Toi, t'es une. C'est possédé, je sais pas. Oh. Et puis, elle me dit, ouais, je voulais m'acheter un nouveau sac, je sais pas quoi. Ah ouais, et non, bah attends, excuse-moi, Jibi, mais ce genre de demoiselle, il faut fuir, faut aller loin. Elle prend cher. Parce qu'à chaque fois que. À chaque fois, chérie, il y a une facture Proximus qui est tombée. Bon, bah je vais ken, hein. J'arrive. Mais ça, c'est bien, ça, du coup. Bah non. C'est comme ça, tu payes rien. Bah arrête, putain. Regardez, franchement, moi, je suis pas un pigeon, je veux pas commencer à payer des sacs à 500 euros ou quoi que ce soit. Je veux bien se faire des petits cadeaux et tout. Ah, la salope, elle m'a trop pour un sac. En plus, avec un vieux. T'as des histoires de ouf. Ma sacoche. Dégage. Et j'ai une tentation, je t'ai pas frappé. Ben heureusement. Non mais il faut pas faire ça de toute façon. Mais Jibi, faut aller loin des demoiselles comme ça. C'est pour avoir des problèmes par la suite. Mais elle a fait ça, mais lui il a quand même allumé son ordi à distance. Faut préciser, il a quand même violé sa vie privée. Ça, hein. Je fais trop pas. Parce que ouais, mais franchement, je suis pas quelqu'un comme ça, donc je fais pas. Tu l'as fait, c'est trop tard. T'es comme ça maintenant. T'as traversé la frontière, la limite des bords. Je sais que c'est sadique, mais bon, c'était pour la bonne cause et je suis tombé sur la preuve en plus. Ouais, mais bon, voilà. C'était au bon moment ce truc. Tu sais que devant un procès, ça tient pas ce genre de truc. Je sais très bien. Mais bon, voilà, je l'ai. Voilà, bon, vous avez bien vu, je l'ai jeté, voilà. Ouais. Bah, écoute... Et maintenant, franchement, je sais même plus qui draguer, qui rencontrer quel genre de fille, parce que les apparences sont trompeuses. Mais Jibi, bien sûr, mais du coup, il faut juste que. Tu sais, plus tu cherches après une demoiselle, plus tu vas tomber sur, on va dire, les personnes qui vont t'attirer des problèmes. Tu sais, ceux sur lesquels tu tombes facilement. Non, ouais, c'est vrai, ouais. Il faut que tu prennes le temps de t'occuper de toi, de ta life, et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber automatiquement sur une bonne personne, dans un endroit. Et puis, je connais pas ton milieu, mais parfois, il faut aussi sortir de son milieu. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, genre, si t'es tout le temps dans ton quartier non, et que tu. Franchement, je suis quelqu'un d'ouvert, sociable, je rencontre toutes sortes de milieux, je suis pas... Bah alors pourquoi tu l'as pas laissé avec le vieux, c'était ouvert? Ouais, oh. Bon. C'est quoi hein? Alors, il y a un message qui vient d'arriver là. C'est Marwan qui me dit Vince, mon ex m'a trompé avec un gars marié. J'ai tout envoyé à sa femme. Le gars est divorcé et ma pute d'ex est fichée à Bruxelles. Oh wow. Et voilà. Et bam. En bonne et due forme, que certains pourraient dire. Hein. Vince, demande-lui dans quelle position elle était. Non, c'est la vie privée. Bon, il est 22h, on peut se le permettre. Dans quelle position? Elle n'a pas compris que c'était pour lui. Jibi. Ah, dites-moi, la position. Bah, ouais. Elle était couchée et lui sur elle. Ah voilà, le missionnaire, en classique, bien entendu. Le classique du papy. Hein. Voilà, papy et mamie vont pas plus loin que ça, c'est important. Merci en tout cas, Jibi, pour ton passage. Et en tout cas, voilà, piratage de webcam de sa copine. Ça se fait, hein. C'est très bien. Désolé pour comme ça maintenant, tous ceux qui ont entendu. Ah, mais c'est fini. Ah, mais tu racontes ta vie. Il n'y a plus d'ordi dans la chambre. Les gens vont plus avoir confiance. Un gros bisou à toi, mon pote. Hein. Je voudrais faire une petite dédicace, s'il y a moyen. Eh ben, tu l'as fait juste après le son qui arrive là, ça va? Tu restes avec nous, ok? Ok. À tout de suite, Jibi. Bougez pas, on arrive tout de suite sur Énergie. Vince, 21h minuit sur Énergie. Salut, c'est David Guetta. Quand David Guetta parle en Belgique, c'est sur Énergie. Dans les meilleurs. Ce mercredi, dès 6h, le 6-9 Énergie reçoit. David Guetta. À bientôt en Belgique sur Énergie. La radio qui vous connecte à vos stars musicales préférées. Dress up like a princess, but I'm waiting for nobody. Upon my heels, I'll make the distance. Come on, swag, come look at me. I'm a Cinderella, giving up to midnight. I don't wanna need ya, be somebody to set me free. Oh, castle has a big fence, but nobody's gonna hold me here. On the road I found my own place, a little girl has no more tears. Grab my bag on the floor, I'm ready to lay. Soir de 21h à... En fait, on ne sait pas trop. Mais on sait qu'ils sont là. Mel est dans la maison. Merci. Sur Énergie. Merci. Allez, welcome sur Énergie. Toujours en live, bien sûr, il est 22h05. Mon nom, c'est Vince, il y a Lara qui est là. Je suis là. Laura est dans la maison. Il y a Laura sur qui est Énergie. Là aussi. Et ça fait plaisir. J'adore quand ça descend comme ça, tout doucement. Bienvenue sur Énergie les amis, désolé il y a beaucoup de messages ce soir, hein. Ça va être compliqué de lire tout le monde, on va faire du mieux qu'on peut en tout cas. Je vous rappelle sur le WhatsApp 0492 222 002, là tantôt j'étais parti à Bruxelles en voyage scolaire et je suis passé devant les studios d'Énergie, j'ai pensé à vous, j'avais été à la bourse. Ah bah c'est cool ça, bah ouais les studios on voit bien que c'est Énergie, il est écrit Énergie en grand, donc pour ceux qui sont de passage, c'est Chaussée de Louvain à Bruxelles, si jamais vous êtes taximan, vous voulez voir à quoi ça ressemble nos bureaux qui sont très beaux vus de l'extérieur, et ben c'est au 775 Chaussée de Louvain à Bruxelles et vert. Dédicace à Lara de la part d'un Albanais. C'est Edmond qui envoie le message. Edmond. Ou Edmond, je ne sais pas comment je devrais dire. Dis-moi. Ouais, exactement. Ces lois sont dans la. Ah zut, j'ai perdu le message. Bonsoir à toute l'équipe. Ravi de vous réécouter. Ça a été le bordel ici à Bruxelles sur les routes. Mais ça va, maintenant ça s'est dégagé. Donc tout va bien maintenant. Ah bah, super comme mon nez. Alors Vince, est-ce que tu... Ouais, j'avais le nez bouché moi tout le week-end. Est-ce que tu peux me trouver une demoiselle qui veut une relation sérieuse, s'il te plaît? On peut faire ça, de temps en temps, on fait le Vince Dating dans l'émission. On pourrait le refaire avec le micro de Nigel, ouais, c'est peut-être un petit peu mieux. On va se faire le son de Soprano avec À la vie et l'amour. Le temps pour moi d'accueillir Dorine qui est là avec nous sur Énergie. Allô, bonsoir, Dorine. Salut tout le monde. Toi, Dorine est dans la maison. Sur Énergie. Ça va, Dorine? Ça va bien et vous? Ça va bien. De dingue. Ouais, ouais. On est là, on est lancé, il est 22h07, il y a plein de messages qui arrivent dans tous les sens. Là, Jonathan. Jonathan est dans la maison sur Énergie. Oui. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi Vince le truc de la maison? Vous inquiétez pas, c'est un délire qui est venu comme ça un jour et puis c'est resté tout simplement. Voilà, comme il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Là, par exemple, je sais pas c'est qui ça. C'est qui? Vin estas en la casa. Gracias, Zamo. Merci à toi. Dorine, si t'es avec nous à l'antenne ce soir, c'est parce que tu as envie de faire le prank de l'extrême. Ça fait assez peur, la voix? Ouais. Ouais. Ouais. Sinon, je peux faire mieux. Je peux faire genre. Attends, je travaille la voix. Le prank de l'extrême. Dorine, qu'est-ce qu'on va faire ce soir dans le prank de l'extrême avec toi? Dis-nous tout. Je vais pranker mon frère et je vais lui faire croire que j'ai eu un coup d'un soir pendant les vacances de Toussaint et que je suis enceinte. Ah ok, ouais. Pas mal. Vacances de Toussaint, être enceinte, mathématiquement c'est cohérent, on peut le détecter. Genre ton frère, c'est ton grand frère, ton petit frère, c'est quoi? C'est mon grand frère. Ok, il est du genre à le prendre comment ton grand frère? Il est du genre à s'énerver très vite. Ah d'accord, et c'est qui t'a enceinté alors du coup? Un inconnu. Pardon ? C'est qui t'a enceinté ? Tu vas dire que c'est qui t'a enceinté ? Je sais pas. Un gars que je rencontre en vacances. D'accord. Ouah, peut-être qu'il y aura de l'impro dans cette émission. Ouais, on va voir. Ouais. Très bien. Le prank de l'extrême, les amis, on va lancer ça dans quelques instants sur Énergie. Salutations Arnaud qui est connecté aussi. Dorine, juste un truc, tu as le choix. Qu'est-ce qu'on a à offrir d'ailleurs, Nigel, ce soir pour Dorine ? On a plein de jeux PS4, on a plein de jeux Xbox One aussi. On a des coffrets là de plusieurs séries. Je sais plus c'est quoi comme série. Il y a des nouveaux trucs. Ah, ouais, des nouveaux trucs. Il y a des figurines, tout ça, il y a des compil d'énergie. C'est cool, il y a plein de trucs. Bah, t'auras le choix de toute façon. Je rappelle ceux qui participent au prank de l'extrême ou au bébé j'y déconne, tout ça, ou Game of Five repartent avec des cadeaux. Comme ça. Dorine, tu restes là, tu bouges pas ? Oui, ça va, pas de soucis. Formidable. Tout de suite sur Énergie, c'est. Sopran Baba. Yeah ! À la vie et l'amour. Soyez bienvenus sur Énergie. Tout à l'heure, là, on va parler d'un truc assez sympa. Les jeux vidéo. Est-ce qu'il y a dans votre entourage des gens qui sont accros? Puisque visiblement il y a une auditrice, son mec il est accro de ouf. Il n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie. Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la, la, la, la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, la. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, la. Cette émission dépasse les limites des bords des frontières. Peggy 18. Vince Adam. Merci. Nigel a suivi. Personne qui a suivi, t'as vu ça? Y'a que Nigel. Y'a que Nigel. Et pourtant, en même temps, je donnais des consignes au standard et tout. Incroyable. Wow. T'as vu, il fait tout à la fois. Oh c'est my God. Phénoménal. Ah là là, merci en tout cas. Il y a plein de gens qui sont connectés ce soir. Là, n'oubliez pas l'Instagram également, Vince Radio. V-I-N-Z-R-A-D-I-O. D'ailleurs, je vais faire un petit détour du côté des gens de l'Instagram un petit peu. Je fais jamais ça, tiens. Ah, c'est quelle vrai. Bonne ça. Idée. Une petite dédicace aux nouveaux venus là sur l'Instagram. Ouais, big up. Ceux qui viennent de s'abonner. Donc abonnez-vous, les amis. Tout de suite, ça va être dédicace à ceux qui s'abonnent maintenant. Là, et après, on va se lancer enfin dans le Prime de l'extrême. Juste pour moi de mettre mon mot de passe. C'est con quand mon mot de passe, je sais même plus. Vince est sur énergie. Attends, t'imagines. Il y a tout le monde qui va essayer ça maintenant là. Ah putain, ouais, c'est ça. Faut vite que je le change. Non, non, non, je déconne, c'est certainement pas ça. On va pas déconner non plus. Hein. Non, c'est pas vrai. Bah, c'est ça. Alors, dans les notifications, il y a deux secondes, m'a suivi. Ah, purée. Ah, mais ouais, en fait, vous êtes motivé hein, ce soir. Ouh là là. Il y a Jus va bien. C'est pas une blague, il y a quelqu'un qui s'appelle Juvabien04. Ah oui ? Parce que si Juva bien. Juvamine ! Merci. C'est il y a quoi ça ? Oumazia également, là, qui est connecté, là. Alors, fait petite mise à jour. Ouh là là là, il y a du monde qui vient d'arriver sur l'Instagram, là. 0492-222-002. Merci à KidGigirac145 qui m'a suivi. Yes ! Il y a Tislax, Alexandre aussi, Roman, Monsieur. Ufug 28, il y a Matt Ufug, je sais pas, c'est UFUK 28. Il y a Matt D, Matt aussi, il y a Loro, Nono aussi qui vient de se connecter là, et qui d'autre encore, je mets une petite mise à jour. Ouda, RaphaelBSG.md. Il y a Marie, il y a Thierry, Valentin, Alessio, Cardala. Mais vous êtes du monde ce soir, dis donc là. Est-ce que nous aussi on peut gratter des follow? Tu veux gratter du follow? Ouais. Bah, attends, je continue. Il y a Lycan aussi. Attends, il y en a trop là. Je suis dépassé. Alors, purée. Il y a Béné dans 9W, Jordan aussi. Il y a Na.mel25. Il y a Marius Dubuisson, il y a Photographie Selfie, il y a Alessio Delia aussi qui vient de follow, il y a Victor Plasma, ok. D'accord, j'adore le mot, Victor le nom. Victor Plasma. Victor Plasma. Ryan.jennifer.0609 et Felicita de Villada, voilà, Sandy, Corentin et Locamel. Tu veux aussi avoir du follow, Nigel? Allez, fais péter. Bah, c'est quoi ton Insta? Nigel Sanchez, N-I-G-E-L-S-A-N-C-H-E-Z avec le tiré du bas. Nigel, voilà. Sanchez, avec l'underscore à la fin. Voilà, je follow les 10 premiers mecs qui me follow. Ah, c'est vrai, t'es comme ça? Allez, je follow les 10 premières personnes. D'ailleurs, ton compte, il est pas en. Il est en privé, du coup, je peux voir qui m'a ajouté en premier, je peux les follow. D'accord, voilà. Il est malin. Mais il a que 2 photos, le gars. Non, c'est pas vrai. Combien, 10? J'en ai 13. Ouais, voilà. Ah, mais 13 belles photos. Ah. Et puis sinon, n'oubliez pas l'Arabelle Rose aussi. Ça vaut vachement la peine. Je trouve que tu le prononces pas assez bien. L'Arabelle Rose. C'est facile. L'Arabelle Rose. L'Arabelle Rose. L'Arabelle Rose. Bonsoir. L'Arabelle Rose. Bonsoir. Il était une fois le WhatsApp, ou devrais-je dire surtout l'Instagram de Lara. L'Arabelle Rose. La légende dit que source dans ses stories, elle fait des têtes bizarres. Elle arrive à loucher que d'un œil. Oui, c'est vrai. Elle fait ça dans ses stories. C'est vraiment disgusting, comme on dit en traduit de l'anglais, dégoûtant. Ne demandez pas à Lara de faire des photos à Walpé. Elle ne le fera qu'en quand elle sera à la plage. Ah bon ? Donc il ne vous reste qu'à l'imaginer. Et comme on est en Belgique et fait tout pourri et qui fait mauvais, eh ben malheureusement, vous ne la verrez pas à la plage. Et donc vous ne la verrez pas se dénuder. Mais de temps en temps, si vous voyez Lara partir à la Military Run avec Vince, vous verrez des petits posts un petit peu bizarres. Ouais, sauf que tu sais pas ce qui se passe en DM. Oh. Ouais. Allez-y, envoyez des DM à Lara. Peut-être qu'avec vous, elle sera généreuse. Très généreuse en ce moment. Peut-être qu'avec... Oh, tiens, il y a moins 50% sur la générosité de Lara, donc allez-y. Non, juste 10 kilos en trop. Ouais, c'est vrai. Lara Belle Rose. C'est là les bonnes. Lara Belle Rose sur Instagram. Wow, attends. Comme vous l'entendez. Un like. Non, je rigole. Alors, salut Vince, tu peux faire une dédicace à Saint-André Ramenichin de Florent. J'ai déjà fait, hein, je ne sais pas si tu sais, mais vous êtes très nombreux à le demander là. Vince, tu peux m'ajouter sur le groupe Je t'aime, je t'adore, je t'écoute tous les soirs. Avec plaisir, c'est fait là, dès que tu as envoyé un message, c'est dans la boîte. Et il y a une autre vocale qui arrive et puis on lance Dorine. Elle fait ça dans ses stories. Ah, j'adore, c'est ça comme ça qu'on passe à la radio. Ah, ça doit trop bien. Waouh, trop fort. Merci Paul d'enregistrer ta radio pour nous. Ah putain, j'ai arrêté de me dire. J'adore parce qu'il voulait passer sa note vocale pour voir ce qui se passait. Et un dernier message, coucou Vince, petite dédicace pour petit Marie qui vous écoute en rentrant du boulot, s'il vous plaît. Je voudrais juste lui dire que je l'aime et que c'est le meilleur des époux. Mon petit MD7, il se reconnaîtra, merci. Oh. Je suis sûr que c'est le pseudo PSN, ça. Il a un nom de mini-disque. Je suis sûr qu'il joue comme ça en PS4. Pourquoi mini-disque? Je sais pas, MD7. MD7, ouais. Très mignon. Et bisous à Chloé et à Arnaud aussi, qui arrête pas de m'envoyer des notes vocales. Arnaud, qu'est-ce qui se passe? La dernière que je joue là. Après... Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bon, genre, classique. Un tracteur? Ben, gilet jaune. Allez, c'est parti! J'adore, hey, je lui attendais pas là. Celle-là, elle est bien. Elle m'a plaisir. Elle Allez. Est super. Dorine, est-ce que t'es prête pour le prank de l'extrême? Oui. The extreme prank. Eh ben, formidable. C'est parti, on lance ça tout de suite. On téléphone à Jonathan qui est ton frangin, ton grand frère, et tu vas lui faire croire donc que tu es enceinte d'un inconnu en fait. Voilà. Ouais. T'as couché avec quelqu'un, ne sais pas qui c'est. Je sais pas très bien, mais on laisse là. Allez, ça. C'est parti, on appelle. Nigel, tu peux faire l'appel? Yes, si tu veux, je peux faire ça, ouais. Merci, parce que je ne peux pas le faire. Alors, allez, c'est parti. Ça ne fonctionne pas de mon côté. Ça sonne. C'est gentil, merci. On y va. Coupe nos micros. Voilà, là. Allô? C'est bon. Allô? Bonjour. Elle le fait carrément plus grand. On écoute. Papa m'a viré de la maison. De quoi? Papa m'a viré de la maison, je sais pas où elle est. Mais t'es où? Tu fais quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans la maison. Calme, respire. Je n'arrive pas à me calmer. pendant les vacances, qu'on est parti à Saint-Tropez fin août. Ouais. Mais mon copain, il voulait qu'on fasse notre première fois ensemble, sauf que je voulais pas le faire ma première fois avec lui. J'avais trop mal. J'avais trop peur de pas savoir comment vivre. Mmh. Et donc, j'ai baisé avec un gars que j'ai vu en boîte. Et je sais pas avec qui. Putain, mais je t'avais dit quoi avec ça, bordel de merde? Pourquoi tu fais confiance aux gens comme ça, toi? T'énerves pas sur moi non plus, bordel. Papa, je veux plus moi. Attends, mais... Papa, je veux foutu dehors. C'est normal. Oh. Ils nous attendent pas au monde au micro, mais... Elle va gagner un Oscar, non? Ouais. J'en peux rien, je peux même pas avoir. Si vous êtes arrivé sur l'énergie... C'est n'importe quoi, sérieux. Elle piège son frère, hein. Là, on a l'impression que... Je comprends plus, je comprends pas. J'ai plus de famille, sauf toi, tu voulais pas. C'est qui, ce type? Je sais pas, je le connais pas, c'est un Français. T'as pas son truc sur Facebook ou je sais pas encore, parce que réellement, je vais le trouver, ça vaut pas, je vais vraiment le détruire. J'en fais rien. Non, mais tracasse, putain. De toute façon, on va aller voir tous les deux. On va aller voir tous les deux. Mais non, je veux pas que ça monte. On va retrouver ton putain d'uniteur, parce que réellement, je vais vraiment le dépenser. Voilà. Putain, mais viens te cacher. Et toi, tu sais pas te protéger ou quoi? Mais je veux rien dire à maman. Maman, ce que tu connais, c'est de moi. Et papa m'a foutu à la porte. Je vais revenir de Anvers. Je vais revenir de Anvers et je vais venir te chercher. Parce que là, ça va pas le faire. Je m'en fous. J'ai une main demain, j'en ai rien à foutre. Je vais venir. Parce que là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais aller avec toi chez maman et on va voir papa aussi. Non, je veux pas. Je veux pas. Il n'y a pas de souci, non, allez. J'espère que c'est pas trop laid. Hein. L'enfant, mais je peux même pas avorter, ça fait trop à moi. Merde, on a perdu. Dorine, on a perdu. Ah merde. Fausse manip. Dorine, non mais attends ma chérie, c'est bon, t'as pleuré au début, tu peux plus continuer à pleurer parce que il y a plein d'auditeurs, ils arrivent sur l'énergie en disant mais qu'est-ce qui se passe, il lui a fait quoi pour qu'elle pleure Exactement. La meuf elle arrive pour faire croire le truc, elle se met à pleurer. Moi je trouve ça pas mal, non? Hey, mais Dorine, t'es une comédienne de ouf toi. Je sais pas. C'est limite, j'ai de l'empathie pour elle, alors qu'en fait, c'est une blague qu'elle est en train de lui faire. Mais attends, mais c'est ouf. Bon, ce que vous rendez pas compte, c'est que mon frère va vraiment péter un câble dessus. Genre, je sais même pas sa réaction après quand on va lui dire que c'est en France. Attends, parce que moi, je dois essayer de comprendre un truc. T'étais parti en France, donc ça, il est au courant que t'étais parti en France à un moment donné. Ah oui, il sait. Et c'était où que t'étais parti en France? À Saint-Tropez, ok. À Saint-Tropez, carrément. Pas mal, hein. C'est sympa leur fête des Belges là-bas. Ouais. Bon, attends, tu sais quoi, on le rappelle. Sèche tes larmes, hein, tu vois, et, ouais. Et explique, voilà, et on écoute ce qu'il dit, et puis après, je vais peut-être m'en mêler, on va voir. C'est parti, on appelle. Ok, ça va. On y va, on y retourne. Ah ouais. Hardcore. Ouais, allô. C'est bon, je me suis calmée. Oui. Bon, mais moi, je ne suis pas calmée, peut-être pas. Réellement, je vais vraiment le retrouver, toi aussi. Mais t'énerves pas comme ça, mon gars. Non, je vais te claquer, mais bordel de merde, t'as 16 ans, mec, t'as 16 ans. Mais t'énerve pas comme ça sur moi, j'en peux rien. Ah ouais, la suite. T'en peux rien, quoi, c'est que tu sais, cool ton bordel. Putain. C'est bon, dis-le, ta soeur est une salope, t'as honte de moi, c'est ça? Le téléphone le censure. C'est quoi? Tu fais que des conneries, bordel, tu fais que des conneries comme ça. Bordel, tu fais que des conneries, que tu fais, tu dois dire quoi, maintenant? Réellement, je vais te défoncer. C'est quoi? Je veux même plus te voir, je m'en fous, je fais aller dormir chez n'importe qui, je veux plus te voir. Attends, parce que tu vas plus me voir, mais tu vas aller où avec ta pote et avec toi? On va avorter, non, on va rien faire. Je vais rester avec toi, mais réellement, tu vas le payer. Moi, je te dis, tu vas le payer. Oh. Ah bah, allez, bravo, je tiens à ça. Mets-toi à la place de papa, bordel de merde. Mets-toi à leur place, ils ont pas que ça à faire, ils ont pas que ça à gérer. Bordel, je suis à l'école, j'ai mes examens dans pas longtemps, et tu viens me dire ça maintenant dans la gueule. Bordel de merde, je dois faire quoi, moi? Tu voulais quoi, que j'attende 8 mois? J'en ai rien à foutre, moi, putain, t'aurais dû dire avant, je sais pas, puis avorter en secret, je sais pas. Je le savais pas avant. Oh non. Quoi? Bam. Je le savais pas avant, je l'ai appris hier. Tu l'as appris hier, en plus, hier, et toi... Putain, mais... ça fait combien de temps qu'on, ça fait combien de temps que j'ai plus vu? Allez, 3 semaines, et tu viens de dire ça? Et réellement, je vais taper, hein. Enfin. Mmh. Attends, je m'en mêle. J'ai continué à fumer alors que je le savais même pas. Ah, t'as continué à fumer en plus. Et... Putain, mais t'as continué à faire. Bah, bravo, hein. Et les sorciers. Ah, putain, bordel. Mon gars, je te remets. Toi, mon gars, tu vas plus avoir de vie sociale. Déjà, tes Facebook, c'est fini. Ton Instagram, rien à foutre, ton sucré. Je te remets, tu vas plus rien avoir. Quoi? Tu vas juste aller à l'école. De toute façon, parce que quoi, que j'allais faire la poussière à mettre sur tous les réseaux sociaux. Salut, je suis enceinte, je me suis fait des trucs. Non, mais je m'en fous, réellement. Mais non, je te remets, tu vas rien faire. Tu restes à la maison, j'en ai rien à foutre, tu sortiras plus. Tu vas élever ton enfant, je sais pas ce qu'on va faire. On m'a dit, je vais venir avec toi, je vais t'en coller une et je vais en coller de nos gars. Oh. Et oui, vas-y, bien, monte à Saint-Tropez, super. Mais te tracasse pas. Ouais, tu vas rien faire du tout, toi, tu parles, mais... Mais ta gueule aussi, toi. Ouais, t'es juste une... T'es avec qui? Ouais, lui dis pas non, qui arrête. Je suis. T'es avec qui? Lui, il est fou, lui, comment putain, il parle. Avec qui? Je suis avec un pote à moi, comme toi, lui parle pas comme ça. T'es avec qui? Mais qu'est-ce qu'il fait, ton pote? Qu'est-ce qu'il fait, le fou, lui? Mais lui, au moins, il me comprend. C'est lui, il fait le fou, là. Mais tu comprends quoi, bordel? Hé, t'es ma petite sœur, je te laisserai pas dans la merde. Mais ouais, bah, après ce que tu viens de dire, c'est limite tout comme. Je te laisserai pas dans la merde, putain. Bah ouais, parce que c'est lui, la merde. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait le fou, vous? Hé, calme-toi. T'es où? Je suis devant chez papa. T'es devant chez papa. Et qu'est-ce qu'il fait, ton pote, t'es devant chez papa, lui? Mais lui, il est venu me réconforter, au moins. Ouais, d'ailleurs, je suis prêt à être le père aussi. Donc, Mais ferme ta gueule, putain. Hey, vraiment, dis-lui qu'il ferme sa gueule parce que. Ah, putain. Vraiment, je prends la bagnole maintenant. Parlez-vous bien, ça ne sert à rien de vous énerver. Exactement. Non, parlons-nous putain, en gens civilisés. Civilisés de quoi? Mais ferme ta gueule, toi. Qu'est-ce qui fait le fou, lui? Ah, vas-y, raccroche-lui au nez, celui-là, il me saoule. Mais non, je peux. Passe-moi pas le téléphone, je vais lui raccrocher au nez. Allô? Tu me raccroches, c'est fini, regarde. Allô, écoute. Écoute. T'es rayé de ma vie, moi, je te dis. Écoute, je raccroche, écoute. Voilà. T'as entendu? Allô? Voilà, j'ai raccroché. C'est raccroché! Bon, Dorine! Ouais? Dorine! On le rappelle tout de suite. Le cœur, c'est mon frère. Ah, mais oui, mais c'est toi qui te lances dans des trucs de ouf. On le rappelle tout de suite, mais je vais pousser le bouchon plus loin. Je vais lui avouer que c'est moi le mec qui t'a annoncé. Donc, du coup, parce que je suis parti dans plusieurs voies différentes. Mais attends, pas tout de suite. Ah, merde. Décroche pas tout de suite, parce que d'abord, c'est. C'est A Room is Dark. Putain, mais c'est du suspense. LP avec Recovery, on rappelle tout de suite. Dorine, t'es prête? Ouais. La suite, c'est tout de suite sur Énergie. Bienvenue, Vince dans la maison. Bon, je viens de s'attroper, donc on y va. But not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling. soir, dès 21h. She said, do you love me? I tell her only partly. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Hey, Vince est hey la casa. Merci. Bienvenue tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien là. Et j'adore, il y a Hugo qui nous dit les gars, on a complètement foiré le 22h22 aujourd'hui. Non, je l'ai vu, mais on était en plein dans le truc. Et tu sais, juste au moment où j'ai tourné la tête, c'était 22h22 et 22 secondes. C'est vrai, ça. Je peux te dire que ça m'a fait une remontada. Merci à tous ceux qui envoient toujours ça à 22h22 comme des shows là. Vince, j'étais tellement dans le canular, j'ai raté le 22h22 moi aussi. Ouais, il est trop fort, il y va fort, génial. Alors, merci pour tous vos messages. J'espère qu'il n'y a pas. Attendez, faut qu'on fasse un petit test. Est-ce que vous pouvez tous envoyer un message genre coucou sur le numéro WhatsApp, le 0492-222-002 s'il vous plaît, juste pour tester, voir si ça fonctionne en temps réel. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'envoyer, envoyez s'il vous plaît, parce qu'on a l'impression qu'il y a tout qui ralentit en fait. 0492-222-002. Voilà, s'il vous plaît, les auditeurs qui n'ont pas l'habitude d'envoyer des messages, qui nous écoutent là, envoyez tous un coucou pour voir après combien de temps on les reçoit. Ah non, ça va, ça a l'air d'aller vite pour l'instant, ça va, ça circule bien. Coucou, ok, ça va, la circulation est bonne. Ok, on avait peur que, parce que parfois vous envoyez tellement de messages à la fois qu'il y a le WhatsApp qui bug un petit peu, mais c'est cool, il y a Lolo qui envoie, Laurent, il y a des nouveaux aussi, une nouvelle, Gamzou, merci à toi. Antoine aussi, Gilles, Titi, je suis sûr qu'il me l'a envoyé en note vocale là, Titi. Coucou. Et ben voilà, merci. Qu'est-ce qu'il passe, Thibaut? Ah, sur ton PC, ça va, mais le téléphone, il est HS là, hein. Il y a un écran noir et plus rien qui va. Sérieux? Ouais. Ah purée, ok, bah, sur, pour l'instant, sur ordi, ça marche. Hein. Coucou, moi, c'était lu directement. Ok, tant mieux, super, parce que parfois, on a des petits bugs là, mais visiblement, vos messages passent. Merci pour ceux qui nous aident là. Bon, Dorine, on te récupère. Dorine? Oui. Parfait. Est-ce que tu es prête? J'ai un gros problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère vient de m'envoyer comme quoi il démarrait d'Anvers. Il démarrait d'Anvers? Ah merde! Oui, et qu'il m'a dit qu'il voulait savoir qui c'était. Et donc, du coup, je lui ai dit que justement, le gars de Saint-Tropez était venu à la maison. Mais tu m'écales. J'ai vu parce que je voulais lui annoncer ça. Et que toi, du coup, t'es le gars de Saint-Tropez. Mais cette meuf, elle est parfaite. Dis, je cherche une productrice radio, ça te dit. Voilà, tu débrouilles plutôt bien. Pas de soucis quand on veut, bah dis donc là. Non, ça va, Nigel fait encore bien son taf, il est pas cher. C'est merci, c'est ça. Gentil. Eh ben, c'est Dorine, surtout parce que je suis pas cher que je suis là. C'est exactement ça. Dorine, on te lance dans quelques instants. Et merci, il y a plein de coucou, c'est bon, ça fonctionne bien parce qu'on va jouer au Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien après. Ah, yeah, ah ouais, j'ai promis depuis jeudi, j'ai sa photo là, donc on va le faire ce soir là. Tranquillement, et on va accueillir Célia aussi qui est déjà dans le standard. Dorine, la suite du prank de l'extrême, ça arrive juste après ceci. Vince est dans la maison. Ah, vous êtes bon. Oh yeah. Vince, 21h minuit sur Énergie. Gagnez vos places pour le concert de MHD avec la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller au concert de MHD avec Énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le concert de MHD le 17 janvier 2019 à la Rocale du Luxembourg. MRJ. Grosse la puissance. Hit music only. Dirty tissues, trust issues. Glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed. Little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can't listen to tell the truth. Loving you was young and wild. And free, loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was senses. Votre soirée démarre dès 21h sur Énergie avec Vince. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Il y a un truc de malade qui vient de m'arriver. Je viens de croiser un gars en train de promener une chèvre. Est-ce que vous vous rendez quand même compte? Une chèvre. Donc moi au départ je me suis arrêté, je regarde ça, mais c'était une chèvre. Je me disais, mais ce genre de chien qui a des grosses fesses comme ça là, putain c'est bizarre. Mais j'ai fait demi-tour pour aller voir plus près, mais c'était une chèvre. Tu te rends compte? En général, on promène le ouf, ouf, mais là c'était bé, bé. Est-ce que ça t'a déjà arrivé en Afrique en général quand ça arrive une chose comme ça? On joue à la loterie parce que, mais c'est une chose dans la vie qui arrive une fois, pas tout le temps, mais ça m'a vraiment choqué de voir un gars qui promène une chèvre. J'ai jamais vu ça de ma vie, putain. Ouais, tu te rends compte, Vince? C'était l'équipe du Standard de Liège qui est en mise au vert. Comme ça, énergie, bisous au Standard. J'espère que vous allez bien tout le monde, 22h36. La suite du prank de l'extrême, je vous rappelle tout à l'heure, on a le bébé, j'ai déconné, le Gimmo 5 qui va arriver là. On va parler à Célia là, il y a son mec qui passe beaucoup trop de temps sur la PS4. Beaucoup plus de temps avec la PS4 qu'avec elle. Et du coup, on va en parler aussi des mecs là qui restent full branchés sur leur console. Et j'ai eu plein de messages de meufs qui ont dit j'ai plaqué mon mec à cause de ça. Ouais, ouais, des trucs de ouf. Ou alors une meuf qui m'a dit ouais, j'ai quitté mon gars. Et quand il s'est rendu compte que j'étais parti, c'était après 3 jours en fait. Il était tellement dans son jeu. Et donc le mec, pour se faire pardonner, il a supprimé son abonnement PlayStation, etc. Et il a supprimé tous les jeux. Il m'a envoyé des photos pour dire regarde, j'ai tout supprimé. Effectivement, quand je suis revenu, il avait tout balancé. L'amour, mesdames et messieurs, ouais. L'amour. Et merci à tous les nouveaux qui ont envoyé plein de messages là. Le numéro qui termine par 6043 qui m'envoie hello. Vince pouvait faire une petite dédicace à i7 de la part de Robin. Message bien passé. Et coucou, je vous écoute depuis et je vous adore. Votre émission, j'adore Énergie. Vous êtes des ouf, j'adore. Merci pour ce message aussi là, c'est vraiment cool. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de messages qui arrivent. Oui. Pour toi, comment on appelle un cochon avec des ailes? Un cochon avec des ailes, je sais pas, un cochon volant tout simplement. Je sais pas. Il faut que tu me donnes la réponse. Hein. Dorine, qu'on récupère. Est-ce que Dorine m'entend? Allô, Dorine. Allô. Formidable. Dorine est dans la maison. Dorine, on a fait un prank de ouf. T'as eu ton frère là, il essaie de te joindre. Il est en train de quitter l'endroit où il habite. Visiblement, il habite à Anvers, c'est ça? Ben oui, je fais des études à Anvers. D'accord, ok. Il est en train de péter un câble. Tu lui as fait croire que t'es tombé enceinte d'un gars pendant que t'étais parti en vacances à Saint-Tropez. On le rappelle tout de suite, Dorine. Et là, en gros, ben, je suis le fameux gars de Saint-Tropez, quoi. Ça va? Oui. Allez, c'est ça parti. Va. Tu lui parles d'abord et puis je m'en mêle, hein. C'est parti. Ça va. Allez, courage, Dorine. On y va. Tu t'es calmé? Quoi? Tu t'es calmé? Mais comment tu veux que je me calme avec ça, bordel de merde? Mais... Après, t'es où, là? Je suis sur la route, là. Réellement, je vais arriver dans une heure et demie. Mais y a pas, réellement, il n'y a pas moyen. Je suis complètement déçu de toi. J'ai même pas les mots. Je ne vais pas te décevoir. Quoi? Ne préviens pas, maman, s'il te plaît. Je veux qu'on trouve une solution. Elle est déjà au courant. Merde. T'as appelé maman? Oui, je l'ai appelé. Tu crois que moi, je vais laisser... Oh merde! Oh mon dieu! Je vais la partie de la chercher avant et je vais te chercher après, ça va? Oh purée, t'es plein en fond, oui, d'accord. Non, il va rien faire du tout, ouais, il va rester où il est fou lui! Mais qu'est-ce qu'il fait, le fou? Mais c'est qui ce type là déjà? Ton pote de quoi? Enfin, j'ai jamais entendu sa voix, ce bête type. Joe, c'est. Parce que toi, le bête type, et toi, et ta main, un bête type. Le gars de Saint-Tropez. Bon. Non, lui dis pas, t'es ouf ou quoi, il va me griller. Putain, c'est lui? Ouais, je suis le mec de la police municipale d'Hélène Dufneux, là, à Saint-Tropez. C'est lui, putain? Ah ouais, c'est moi. Bon, voilà, maintenant que c'est dit, voilà. Et toi, mon gars, réellement? Non, mais gars, je suis venu, j'ai appris barre-toi, la vie. Retourne en France, parce que je vais vraiment. Bah ouais, vas-y, je t'as vu, moi, je savais pas, voilà, elle me l'a appris. Je vais tellement te détruire avec ton petit accent de merde. Qu'est-ce que tu fais de fou, toi? Allez, pars-toi. Bah attends, non, mais écoute, tu vas comprendre un truc, voilà, on fait partie de la même famille maintenant, moi je suis d'accord d'assumer. Attends, ouais, mais vas-y, t'inquiète pas, tu vas les couler dans un feu, parce que c'est ça le type, hein. Non, mais tu fais le fou. Non mais voilà, on est beaux frères maintenant, tu vois, donc on doit mettre les choses à plat. Je vais ramener des potes et tout, on va vraiment le tuer, tiens là, arrête. Non mais les gars, on va pas faire ça, parce que voilà, tu vas pas faire ça à quelqu'un de ta famille non plus. Fais-moi, je parle à ma soeur, tu parles pas, toi, casse-toi. Non mais attends, mais il faut qu'on parle, attends, je prends le téléphone. Allô? Quoi? Ouais, non, mais écoute, voilà, tu vois le truc, à la piscine, j'ai pas fait exprès. En fait, on était. Ferme ta gueule! Non, mais y'a pas eu. Foutre, tu t'avais pas fait exprès, grosse maçon, si tu parles! Mais je t'explique, y'a pas eu pénétration! En fait, on était dans la piscine, et dans la piscine, à un moment donné, bah. Elle m'a excité, tu vois? Elle m'a excité de. Mais tu te prends pour un cocotte, toi, qu'on mettait qui, toi? Mais attends, mais. Pauvre guignol, quoi! Ta soeur, elle est bonne, et donc, du coup, elle m'a excité. Alors, parle-lui bien, je te dis parle-lui bien. Bah, elle le sait, adoré, je dis toujours t'es beau, j'adore te ken et tout. Parle-lui bien, Attends, je vais lui expliquer. Donc, en fait, Jonathan, il n'y a pas eu pénétration, si tu vois ce que je veux dire. Mais t'as dit, j'en ai rien à foutre qu'il n'y a pas eu pénétration. Gros, tu viens de l'encrosser, je vais vraiment. Mais non, j'ai pas fait exprès. En fait, c'est pas moi, c'est la piscine. J'ai éjaculé dans la piscine et ça a été dans son vagin, et puis voilà, et puis elle s'est retrouvée enceinte. Je vais te mettre du ciment dans le cul, gros, tu vas rien comprendre. Mais c'est pas ma faute, il paraît qu'il y a 10 cas comme ça en France chaque année à cause des piscines. Ferme ta gueule, gros. Mais en plus, il risque d'être belle formée avec le chlore et tout. Je te promets, gros. Attends, je vais raccrocher. Je suis sur la route, je vais pas te faire un accident, mais réellement, je vais te taper, toi. Appelle-moi beau frère maintenant. Tu vois, j'étais à Saint-Tropez, mais je viens du Nord. Je suis pas très loin de la Belgique. Je viens du côté de Tourcoing à Lille, tu vois. Ouais, gros, t'as un gros ASS et tout. T'es juste un gros con sans gagner les couilles, en vrai. Bah, écoute, là, qu'on s'en regarde, du coup. T'as ton petit. Alors c'est quoi ton neveu? Il va être consanguin aussi. Mais ferme ta gueule, j'aurai pas l'enfant à la maison. Non, mais moi, voilà, moi, Jonathan, moi je pourrais assumer. Donc si tu veux venir me péter la gueule, bah, y'a pas de problème. Bah alors là, du coup, bah, moi j'ai ramené toute ma clique en caravane, tu vois. Tu vas pas rigoler. Mais non, caravane, te casse pas, j'en ai rien à foutre. Moi je ramène ma clique Christophe Mahé, je ramène ma clique Kenji, tout ça. Ferme ta gueule, arrête, commence pas à me menacer, parce que moi j'ai une tête de papier. Non mais ça va, en plus je suis en âge, tu vois, t'as vu, je peux m'en occuper. T'as quel âge? Bah j'ai 45 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mec. Il y a quoi de drôle? Ferme ta gueule, gros. Ah mais vas-y, j'ai déjà 8 enfants, moi c'est pas un problème, je peux gérer. Ferme ta gueule, quand tu fais passer un maçon, quand t'es ouf, toi. Bah écoute Bernard, je t'explique. Moi, ce que je vais. Déjà, tu me parles pas comme ça, tu m'appelles pas comme ça, gros. Moi, tu m'appelles déjà même pas, quoi, fils de pute. Bah, écoute Romain. Fou, écoute, Romain, c'est très simple. Voilà, moi. M'appelle pas, il n'y a pas de Romain, il n'y a pas de Grémoux, il n'y a pas de Naïtien, je n'ai rien à foutre, gros, ta gueule. Bon, à Gontran, alors. Ta gueule, je te dis, m'appelle pas tout court. Bon, écoute. Nathan, calme-toi, c'est bon. Toi, tais-toi, j'ai demandé. Putain. Quoi? Protège-toi. Mais calme-toi, tu vas faire un accident. Je vais le faire moi-même, Jonathan, écoute, de toute façon, si tu veux porte plainte contre la piscine, voilà. Mais gros, je vais pas porter plainte, je vais réellement te détruire, quoi. Je vais te détruire petit à petit, quoi, réellement. Non, mais moi, je suis. Dorine, hein, dis-lui qu'on s'aime. Mais faut pas tout lui dire, je te fais-moi bien. Mais bordel, mais fais-moi bisous. Je suis fier de toi. Je sais pas que ça va faire, les gars, je suis en examen. On s'en bat les couilles, tes examens, tu vas être tonton. Me cassez pas les couilles, je suis en examen, je me suis tapé en reste, juste un piège, bordel de merde. Mais tu vas être tonton, c'est génial. Mais ferme ta gueule, toi, tonton de quoi, gros, tonton, je vais te mettre deux tacs dans la gueule, tu vas rien voir. Bah, écoute, si jamais tu fais ça, on va avoir des soucis. Mais bon, écoute, bref, on va parler sérieusement. Voilà. Ce qui se passait à Saint-Tropez, ça reste à Saint-Tropez, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ferme-la, ne parle pas de ça. Donc moi, Dorine, je l'épousais. Je vais la ramener à Tourcoing. Tu l'épouses pas, réellement, tu seras un homme mort. Réellement, je vais te tuer, toi, toute ta famille, j'en ai rien à foutre. Et mon fils, notre fils, si c'est un garçon, je vais l'appeler Kylian. Ouais, mais pas bien, toi. Putain, Kylian. Ferme-la. Et si c'est une fille, je vais l'appeler Kimberly. Complètement ouf. Ou Chelsea. Putain, t'es complètement ouf. Rondal. Ouais. Ou John Ross. Ou à Bruce Lee, c'est pas mal Bruce Lee. Ferme-la, ta gueule. Oh purée, j'ai toujours été fan de Dragon Ball Z, j'ai appelé Son Goku. Arrête de faire le beau. Bon, écoute, Jonathan. C'est bon, ferme ta gueule, j'ai pas que ça à faire, boule. En plus, je te présente, il y a mon cousin. Il a raccroché, j'avais présenté le cousin. Ah, oh, j'avais présenté le cousin à la cousine. Oh, Dorine, mon Dieu, c'est phénoménal. Oh là là. Oh my god. Oh, il est énorme. Oh my god. Attends, on va lui dire que c'est énergie parce que le pauvre là, il est en train de faire la route. Je vous promets, je crois qu'il va plus jamais me parler toute la vie. je crois qu'il va trop m'en vouloir. Mais je suis désolée, mais t'es trop drôle. Vraiment, j'arrivais pas à me retenir. En plus, je sais pas, j'invente un accent nulle part là. Mais ouais. Je le sors mon cul, l'accent. Bah, tu viens du Nord, hein, comme charisme. C'est comme ça l'accent du Nord, vraiment. Bah ouais. Ah, okay. Mais c'est vrai, j'étais en train d'imiter un mec que j'ai vu dans Confession Intime. Bon allez, c'est parti, on le rappelle. Attends, on le rappelle. On veut lui dire que c'est énergie. Dis-lui de se calmer et tout. Et après, tu me le passes. Attends, je vais lui envoyer un message. Attends, je vais lui dire tout de suite. Attends. Arrêtez de me sonner, je vais lui répéter un câble. Romuald, tu pleures? Ferme-la, arrêtez de me sonner. Johnny, tu es en train de pleurer? Ferme-la, gros. Je l'adore. Dorine, vraiment, je dis que j'essaie de rester une semaine à la maison, à la foutre, ton, il va se dégager. Écoute, t'es quand même ma petite soeur, j'ai pas des couleurs. Joe, écoute, j'ai un truc à te dire. Ouais, écoute là. Joe, écoute, on a un truc à te dire. Calme ta gueule. Quoi? Tu m'écoutes? Ouais. Calme-toi, d'accord? Tu t'énerves pas et. Moi, je vais te dire, tu veux pas. Je te pose juste une question. Est-ce que tu m'aimes? Je vais rester une semaine à la maison. Mais je te parle. Vas-y. Tu m'aimes? Ben oui. Tu tiens à moi, tu me pardonnerais tout? Mais mais pourquoi tu te prévales cette pauvre petite là? C'est une blague, Joe, t'es sur énergie. Ouais! 21h minuit sur énergie, oh my god! Jonathan! Vous êtes complètement con, pour que t'es merde. Y'a pas de tourcoing! J'ai pas qu'un dans une piscine à Saint-Tropez! Mais t'assures, c'est quand même une putain! Vous êtes complètement starbé, vous, bordel de merde, j'ai pu me prendre un arbre! Non, mais non! Heureusement que non, putain, t'imagines la merde! Oh là là, my god! Jonathan, distress, relax, tout ça, c'était de la fumisterie, c'était de la blague, c'était de la connerie, c'était pas vrai. Dorine n'est pas enceinte, il n'y a rien de tout ça qui est vrai, et voilà, et on n'a pas qu'elle dans une piscine municipale à Saint-Tropez. La piscine Hélène Dufneu, je le salue quand même. Hein. T'as des sur Google? Ouais, j'ai des sur Google. Complexe sportif du Moulin Blanc, 21 route des Salins, à 83 990 Saint-Tropez France. Ouvert H24. Ah ouais? Ouvert H24. Putain, il doit y avoir des bébés qui sont nés là. Non mais attention parce qu'il paraît que c'est vrai hein, si jamais dans votre baignoire ça sort et que ça peut aller dans le. Attention non. Hein. C'est vrai. Ouais, pareil. Ça remonte le Nil. Voilà, ça remonte le Nil. Jonathan, déstresse mon pote, rentre chez toi, et c'est une vraie blague. Et Dorine, je dis respect parce qu'elle s'est quand même mise à pleurer au début, hein, vraiment pour te faire croire, elle était loin. Hein. Je veux quand même qu'ils viennent à la maison, j'ai trop mal le ventre, je m'en veux trop. Là, bisous. Ça suffit là. Attends, quand t'as avoir le cadeau, là, plus en vouloir. Jonathan, est-ce que tu lui pardonnes? Mais clairement, mais en plus, ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est plus vu, alors du coup, je pense que c'est le temps qu'on se revoit. Eh ben voilà, et comme ça, vous faites des bébés. Mais non, tu dis ça parce que tu viens de Tourcoing. On salue ceux qui nous écoutent à Tourcoing parce qu'on nous capte hein, via la fréquence d'énergie Belgique. Ouais, big up les contents. Arrête, Nigel, tu vois, c'est le moment où il fallait fermer sa bouche. Mais il rigole aussi. C'est de l'humour. Comment ça, tout le monde au premier degré ici. Voilà, hein. On n'est pas sérieux et je vous autorise à faire l'autodérision sur les Bruxellois, sur les Namurois, sur les Liégeois, sur les Belges en général, si vous voulez. Ouais. Façon, nous, on a de l'humour, nous. Donc voilà. Bisous, Jonathan. Bisous Dorine, bravo en tout cas, bravo. Bisous. Bonne soirée, raccrochez pas la famille, raccrochez pas, restez avec nous là. Tout de suite sur énergie, c'est parti pour Calvin Harris. Et j'ai le plaisir d'accueillir Célia qui est avec nous dans le standard. Coucou Célia. Allô Célia. Est-ce que Célia est là? Elle a posé son téléphone, Célia a le temps d'écouter. Elle est dans sa cuisine et je suis sûr qu'en ce moment elle est en train de se dire merde, c'est à moi de jouer. Elle court vers son téléphone. Mais va-t-elle arriver avant que le son de Calvin Harris et Sam Smith se lance complètement? Célia, une fois, il va falloir ressonner sur le téléphone de Célia. Ou peut-être qu'elle est en train d'engueuler son mec. Parce qu'en fait, il passe beaucoup de temps devant sa PS4. Allô, ouais. Je suis là. Ah ben voilà, Calvin Harris, promis. J'ai pas le micro, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. T'inquiète, c'est pas grave, on arrive tout de suite. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no side. lion's hair, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Dans sa cuisine. Putain les gars, vous y allez fort quand même hein. Waouh, le mec, vous avez réussi à le faire pleurer. Mais vous êtes complètement ouf. C'est pas possible. Et continuez, peace les gars. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, 10 fois, 12 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Mais pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Hey, welcome sur Énergie, Vince est dans la maison. On est là, merci. Merci à Jean-Philippe pour son message là. Jules aussi là, André, à Najat, Dorine est excellente. Ah non mais vraiment là. Il est au bout de sa vie, Quentin aussi qui fait, il m'a fait une petite réaction là sur le WhatsApp. Ça dit quoi Quentin là? Qu'est-ce qui se passe Quentin? Qu'est-ce qu'il y a, journée qui attend? Ah on l'a entendu c'est là. Mais non, ah, non. Un gilet jaune. Elle a été remixée effectivement là. Énorme en tout cas. Hein. Mais je crois qu'il vient à coup, hein. Je crois qu'une meuf elle peut porter au bon sens en prenant son bain. Hein. Allez, bisous. Non, attends, mais c'est un truc que j'ai regardé sur internet, j'ai pas confirmé que c'était vrai. C'est des rumeurs comme quoi c'est possible. Okay. Moi je pense pas non plus que ce soit possible. Mais il y a une femme, je sais pas, j'ai été voir sur les forums au féminin, il y a une femme qui dit qu'elle est tombée enceinte comme ça. Ouais, mais ça c'est quelqu'un qui veut pas avouer qu'il a fait l'amour. Ah, peut-être, c'est possible. Pas 15. Sinon. Sus. N'importe quoi là. C'est, quoi, ça c'est comme ça, c'est la finalité. Il y a des gens qui finissent comme ça. Bon, les amis, bébé chez les Connect Give Mo 5 qui arrive encore ce soir. Bref, tout un programme encore. On n'a pas terminé avec les délires dans l'émission. Il reste encore une heure à faire. Super. Je pensais qu'on était en début d'émission, qu'il était genre 21h15. Mais non, il est déjà presque 23h. Eh ben, bordel de merde, c'est incroyable ça. Mais on s'amuse, tu vois, on ne veut pas le temps passer. Alors, on aime ça, bien. C'est ça qui est magique. Et merci pour tous ces messages. Merci à tous les nouveaux ce soir. Il y en a vraiment beaucoup sur le WhatsApp, je tiens à le préciser. Et n'oubliez pas de rejoindre la page VINZ sur Facebook. Vous êtes 302 fans. 321 000, un truc comme ça, 323 000. Non, ouais. C'est pas vrai. Ouais, si, 321. Ouais, 300, attends, je vais te dire ça. J'ai arrêté de regarder depuis, je sais pas, 4-5 jours. Donc, depuis que t'as percé, t'as arrêté. Voilà. Ouais, c'est genre. C'est percé, ça, 300 et quelques. Bah, franchement, en Belgique, c'est beaucoup, mec. Hein. C'est abusé. Ah ouais. Purée, faudrait que je pense, ça devrait faire penser à faire YouTube pour du concret, là, pour une fois. Là. Ouais, de ouf. Ça aurait été sympa, parce que Facebook, il paye pas. YouTube, il paye. Enfin, il paye que dalle. Facebook, ça commence à payer. Hein. C'est vrai. Article 13, on va en parler bientôt dans l'émission, les amis. YouTube va changer, il paraît, là, hein, à cause de plein de trucs. Il y a plein d'auditeurs qui veulent qu'on en parle. Alors, Nigel, on est à combien, là? Mais attends, parce que vu que je suis administrateur, je peux pas voir. Il faut regarder, voir en tant qu'invité ou voir en tant que fan. Il y a moyen de faire ça avec une page. Ah oui, ouais. Mais moi, j'ai pas ça sur mon téléphone. Hein. Ah, les gars. C'est peut-être parce que j'ai un iPhone. Et moi, comme je suis en émission, je prends pas mon téléphone avec. Ah ouais. Ah, merde. C'est ça, la loi. Hein. Mais si, 321 780... Une personne. Arrête. Ah. Ouais. Oh, c'est gentil. Allez liker la page, les amis, ça ferait plaisir. Voilà, on a un petit compteur qui tourne, qui est sympa. C'est une blague. J'aime pas la. Tu n'aimes pas la page, Vince? Ah, si, je crois c'est que c'est parce blague. Que j'ai fait voir en tant que. Ah ouais. Okay. Ouh, ah, je dis, j'ai eu peur. Hey, oh my god. Sur le coup, je me suis dit. Trahison. La trahison. La reine elle like pas la page, et ben je vais liker la tienne. Non. Ah là là, t'es trop fou mec, tu vas trop loin. C'est ça qu'on adore dans cette émission. On a un jingle d'ailleurs qui l'explique. Et on le passe tout de suite avant de passer à la suite de cette émission. Vous êtes prêts tout le monde? Ouais. Yeah. Ça fait plaisir. Attention, cette émission dépasse les limites des bords des frontières. Peggy 18. Ce qui ne veut bien sûr rien dire. Hein. Enfin, Peggy 18, c'est pas maintenant, ça va, il n'y a rien de sexuel là. Nique ta mère ouais. Doucement la gueule, mais pourquoi? C'est gratuit. Peggy 18. Tu vois, vulgarité gratuite. N'oublie pas, des enfants nous écoutent. Ils devront être. Ils ont kiffé. Ouais, ça c'est sûr, ils nous écoutent tous en cachette d'ailleurs. Hein. Ah, il y a Titi qui me dit 319 000 sur Facebook. Alors, je crois qu'il y a 319 000 abonnés, 321 000 followers. J'aime. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Bon, Célia, est-ce que tu nous reçois 5 sur 5, Célia? Oui, je reçois. Salut Vince, salut toute l'équipe. Ouais, Célia est dans la maison. Bienvenue Célia. Célia, oui. Tu passes à l'antenne parce que c'est une galère là, c'est une galère avec ton mec. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est H24 sur la play. Oh là là. Tu veux qu'on lui pète les genoux? Pardon. Vas-y, t'es bloqué avec la manette, bien fort sur le crâne. Il peut toujours jouer avec des genoux. Bah ouais. Faut lui péter les mains. Ouais, grave, t'imagines, ça c'est frustrant ça. Comédie. Ouais, tu pètes les doigts comme ça, il sait plus utiliser le standard. T'as le pauvre. PlayStation. Non, mais c'est drôle parce que c'est vrai, quand je me suis pété mon MetaCart ou MetaCart, je sais plus là, au niveau de la main. T'as bref. Pas pu jouer. J'ai fait, bah non, j'ai pas pu. Comment tu veux que je fasse Comment t'as fait pour te branler pendant tout ce temps? Bah, je suis droitier. C'était le novembre, je crois. Exactement. Mais j'ai développé des techniques de la gauche pour rester ambidextre au cas où que. Voilà, au cas où que c'est galère. Sérieux? Ouais, non, mais complètement. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y avait des jeux où j'avais besoin de ce doigt-là pour faire le. L'annulaire, quoi! Purée, tu fais rien avec l'annulaire à part mettre un anneau, à part mettre un court de cou. Ils sont en train de rigoler parce qu'en fait, je fais le signe et tout, et genre, ça fait genre que je fais quelque chose d'autre de sexuellement bizarre. Comme si Titi a Christophe. Comme si t'avais Parkinson. Non, mais je sais plus à quel jeu je jouais, j'ai absolument besoin R2. Non, L2, j'ai besoin. L2, et donc, du coup, L2, j'arrivais pas à l'utiliser, donc du coup, bah, j'étais foutu, quoi. Alors, je jouais à des jeux où il y avait que L1, R1. C'est con, hein. Ouais, complètement. Et même en modifiant les touches, j'y arrivais pas, quoi. C'était galère. Vraiment... Alors, Célia, il joue à quoi, ton mec, là? Ah, FIFA 19, tiens. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah merde. Tu joues pas avec lui? Moi? Non, non. Jamais. Je crois que je pourrais avoir une petite conversation à ce moment-là avec lui, ce serait bien, quoi. Est-ce que tu joues avec son joystick de temps en temps? J'aimerais bien. Ah mais donc, mais attends, je comprends pas, un homme qui refuse à l'appel du sexe? Ouais, bah FIFA. Voilà, FIFA, c'est FIFA, quoi. C'est FIFA, c'est Anaïs me dit FIFA 19, la base. Donc, déjà, si les demoiselles le disent, alors c'est pire avec les gars. Et donc, ça se passe comment? Il joue du matin au soir ou quoi? Du matin au soir, le mec, il travaille pas, il joue du matin au soir. Voilà, il mange devant la télé, il soupe devant la télé, c'est H24 devant la télé. Ça me rappelle, moi, une époque quand je faisais des clans et tout à Counter-Strike et à Call of Duty. Oh mon Dieu, c'était époque. Mais donc, toi, t'avais quel âge à ce moment-là, Vince? Moi, j'étais hardcore gamer, mais j'utilise bien le terme hardcore gamer, de mes 15 jusqu'à mes 17 ans. Deux ans. Hardcore? Ouais, de ouf. Je rentrais de l'école, je faisais que ça. Je faisais semblant de dormir et tout. Puis je mettais l'ordinateur en veille. Et dès que mes parents pensaient que je dormais, hop, je rallumais tout. Tac, tac, tac. Le casque. Et je jouais jusqu'à 3 heures du matin. Et puis j'avais école le lendemain. Ah oui. Très mauvaise phase de vie, puisque j'ai doublé mon année. Oh puisque non j'avais des cernes en dessous des yeux. J'ai maigri d'un coup. J'avais le visage creusé. On dirait que je prenais de la drogue. Même à l'époque, c'était le jeu vidéo. Ah ouais, non, laisse tomber. Je jouais en ligne à Counter-Strike comme un ouf. J'avais un clan. On était, je crois que j'ai même atteint le top 10 belge. Arrête. À un moment donné, ouais, non, je jouais non-stop. Et puis Call of est arrivé, là, enfin Call of Medal of Honor et tout ça à l'époque. Ah ouais, c'est génial. Mais j'abusais, mais dans tous les sens, laisse tomber. Sur PC. Et à un moment donné, bah, j'ai arrêté net parce que ma mère rentre dans la chambre pendant que je suis en train de jouer. Et j'étais sur une map, je sais plus laquelle, et ma mère me dit va-t'en! Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'étais en train de pisser le sang du nez. No way. Hein? Tellement j'étais à fond dans le jeu, bah, je sais pas, j'ai eu une montée de pression, etc. Je saignais et là je me suis dit, ouais bon, je crois qu'on va se calmer. Et depuis lors, je me suis retrouvé diplômé d'université. Merci, c'est gentil. Donc non mais ça a complètement tout changé. Mes points ont évolué, tout a évolué. J'ai décidé. Attends, ça t'a absorbé. Mais complètement, ça m'a pris. Je vis ma vie, c'était ça, tu vois. Oh, je faisais ça et puis pendant que je jouais. Derrière l'écran, t'avais en écran fenêtré Football Manager. C'est-à-dire que je jouais à deux jeux vidéo, je jouais à FPS en temps réel et j'avais Football Manager qui est un jeu de simulation de football que je mettais en mode automatique derrière et donc je devais juste changer d'écran, faire 2-3 réglages et puis appuyer sur continuer puis ça tournait pour changer. T'es un ouf toi. Ouais, non mais complètement, j'ai été loin dans ce délire. Et donc pour vous dire à quel point ça nique votre santé. Je mangeais mal et tout et c'est à ce moment-là donc que j'ai maigri d'un coup et puis que j'ai eu tous les problèmes de santé un peu relou comme ça. OK. Ben, voilà. Ben... Et ouais, donc les jeux vidéo avec Molo les amis, il y a quelqu'un qui m'écrit pareil pour moi Vince. Vince, c'était quoi ton clan top 10? C'était la World French Alliance. Donc la WFW, World French Alliance, voilà. Donc la WFA, c'était c'était une alliance en fait qu'avec des gamers francophones du monde entier, il y avait américains, francophones et tout. Si vous tapez WFA, vous avez peut-être retrouvé des trucs, je sais pas, dans les vieux forums jeuxvideo.com. Attends, je vais vous donner mon vieux pseudo. C'était quoi? Mon vieux pseudo de gamer. C'était quoi? Versus 5X. Ah ouais? Et oh putain, je tape Versus 5X et visiblement 8e meilleur joueur de Belgique, j'étais à... Et je retrouve. Putain, je retombe sur un truc, c'est ouf! Montre! Arrête! Sur jeuxvideo.com, tapez sur Google Versus 5X, Versus. Puis un 5, puis un X. Versus. Et alors, je vois qu'il est écrit, j'étais 8e, alors je suis membre du clan. Oh putain, j'ai écrit ça en 2002! Oh! Attends, t'es sérieux? Ouais, excusez-moi, je retombe sur des trucs de ouf! Tu dois écrire quoi? Je suis membre du clan WFA et un jour, entre parenthèses hier, je suis allé voir le classement individuel ranking sur Westworld Online pour Command & Conquer. Et j'ai mis Belgium et là, sous mes yeux, je suis 8e de Belgique. Yahoo! Ah putain, j'étais 8e de C'était Belgique. C'était toi? Mais 5X, c'est le chiffre 5 et X? Ou ouais, alors le chiffre 5 et X. Donc versus, chiffre 5 et X. Moi là je comprends. Putain, je me suis trouvé 7ème même. Command and Conquer. Ah ouais, joue à mort à Command and Conquer aussi, de ouf. C'est toi qui écris là. Ouais. Putain, t'avais une écriture de merde. C'est quoi ce T'as pris des cours d'orthographe pour toi. Vas-y, attends, sérieusement, mon orthographe il est aussi pourri que ça. Ah non, c'est pas toi, c'est un autre gars. Ah merci. Il dit c'est vrai ce que tu disais quand tu te plaignais que le forum est presque vide. Non, c'est pas moi qui parlais. Le forum est mort. Attends, attends, il dit je suis allé sur le forum PS1 sur un jeu et crime là, c'est pas mort, lol. Ouf, excuse, Game Boy, car le jeu que je parle, jeu vidéo, nana, il explique tout un truc et toi tu réponds. Ben ouais. Je réponds toujours comme ça, blasé. Ben ouais. Voilà. Le 5 février 2003, 16h37. Putain, c'est encore d'actualité ce site. Hey, oh my god. Oh, il y a encore des trucs de moi sur Football Manager aussi. Désolé, il n'y a pas sur Xbox, c'est sur PC, il faut le télécharger. Oh putain, je conseille aux gens de télécharger illégalement, c'est pas bien ça. Excusez-moi, désolé, Célia, je retombe sur des vieux dossiers de ma gueule, quoi. C'est. T'inquiète, pas grave, j'ai l'habitude. Oh. Heureusement, il n'y a que des écrits, pas ta tête. Hein. Regarde, encore une conversation ici. Il y a quoi ? Un type qui dit, t'es sûr que n'importe quel CD qui pourrait pas faire l'affaire ? Putain, tu dis, bah, quand je grave un CD, il faut que je prenne le même CD qui que l'original pour pouvoir jouer. Tu comprends ce que tu dis là ? Ouais, ouais, si, si. Ou bah, ouais. Tu cherches quelque part. Ouais, si, tu graves un CD, un mais j'avais pas le crack. Un key generate. Ouais, bah, bien sûr. Attends, les vrais gamers, ils savent c'est quoi ça ? Même ceux qui. Même le jeu, encore et aujourd'hui, y a on sait c'est quoi. Des gens qui te disent, aide-moi versus 5X. Tu fais en aide. Pour craquer les jeux. Et 2003, c'est un truc de ouf, ça remonte à il y a 15 ans. Tu veux dire quoi, Eli ? Moi, j'ai grave une question parce qu'en fait, la meuf, elle nous appelle parce qu'elle en a marre parce que son gars, il est tout le temps sur sa PlayStation 4. Elle appelle ici et toi, tu commences à parler de jeux vidéo. En fait, ouais, je sais, merde, jamais, ça craint. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vraiment toi. Et d'ailleurs, excusez-moi, il y a un message, il y a un commentaire donc sur un message de 2003. Il y a un commentaire de TreyWay69 qui a écrit salut Vince, nique ta mère Nigel, 26 novembre 2018. Il y a quelqu'un qui nous a retrouvé sur le forum jeuxvideo.com. Nique ta mère Nigel ? Ouais, ouais, ouais. Ouais non, mais c'est... Ta daronne, elle a trois tétons. Et c'est énorme. Les gars, il ne faut pas commenter les vieux trucs sur les forums, là. Ça craint, faut pas faire ça. Oh my god. Oh purée, attends, mais ils sont en train de retaper des commentaires pour remonter les converses. Arrêtez ça. Bon, en attendant, parce que c'est pas les. Et t'as ouvert un sujet sur ce jeu vidéo.com qui s'appelle Diriger le Sénégal égal possible. Non, dans le jeu Football Manager. Okay. Parce qu'avant, tu pouvais pas diriger l'équipe africaine dans le jeu Football Manager. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est pour ça, mais j'avais trouvé un crack et un moyen de péter le jeu pour pouvoir le faire. Enfin, c'était tout un bordel. Célia, ma chérie, on va essayer de trouver des solutions. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ton mec. Ça va ? Ça va, d'accord. Et c'est super, et c'est tout de suite sur Énergie, bougez pas. Et dites-nous là, quel jeu vous jouez actuellement, les gamers là ? Quel jeu ? Dites-nous quoi là, sur le WhatsApp 0492 222 002. Le soir. 21h minuit. Du lundi au vendredi, Vince. Vince est sur Énergie. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est le 6-9. On reviendra très vite avec ce jeu. Alors, une testicule ou un testicule ? Bah, on dit les testicules parce qu'il y en a toujours deux. C'est le 6-9. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h. Marco, Jérém et Frisco vous offrent vos vacances. 2000 euros pour le soleil ou le ski en France. Énergie. I have to try. I can feel it in my bones. There's no more life. Need to leave my comfort zone. Look in my eyes. If you don't turn to stone, I'd be surprised. But I can go on my own. It all started in November. We made it through the summer. You might get lost, but just remember. Don't hold back. I sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. Don't hold it back any longer. Sing this song for the moment. Tried and tried. No interest is shown, but I'm not the type to leave before the dawn. I sing this song for the moment. 21h minuit. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. L'antenne dans la maison. Énergie. Attends, je vais te laisser ton Énergie. L'antenne dans la maison. Sur Énergie. Voilà, voilà qui fait plaisir. Bon, on va continuer avec Célia, les amis. Célia, on va faire une petite enroule avec elle. On va essayer. On a une solution concrète, mais vraiment concrète de ouf. Allô, Célia, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Célia, on parle jeu vidéo avec toi. Enfin, on parle jeu vidéo le mauvais côté, puisque ton mec est complètement accro. J'ai beaucoup de messages en rapport par rapport à ça. Il arrête pas de jouer à FIFA 19. Ouais, normal, quand t'as Ultimate Team, tu ne peux être qu'accro. On a une solution direct pour que ça fonctionne, pour qu'il arrête de jouer aux jeux vidéo, Célia. T'es prête? Dis-moi, je suis preneuse direct. Eh ben, on te l'explique juste après Dean Lewis avec Be Alright, ça va? Ok, super. Et c'est une technique qu'on va proposer à tout le monde de faire. C'est une technique, attention, il faut être, faut avoir du courage pour faire ça. Ouais. On va vous expliquer tout de suite. Alors Vince, moi je joue à Black Ops 4 à fond, c'est double XP en plus le pied. Sais-tu ce que signifie double XP, Lara? Non. C'est-à-dire que pendant que tu joues à Black Ops, ben en fait, tu reçois deux fois plus d'expérience pour te permettre de monter de rang. Donc tu montes de rang deux fois plus vite en fait. D'accord. C'est comme ça qu'on rend les gens accros. Ouais, hein. C'est ça, ouais. Donc on va dire maintenant, tu fais une mission, normalement tu gagnes 100 XP, ben grâce au double XP, tu gagnes 200. Quoi. Et voilà. Ça change quoi? Ça change que tu montes plus vite de rang, ouais, tu peux plus vite si accéder à certains trucs. De toute façon, donc en fait, c'est tout le monde qui a la même chose. Non, non, en fait, double XP, c'est spécial, c'est pas tout le temps. Ils font ça à des moments, tu vois. Donc c'est pour te forcer à jouer. Et à chercher le double XP. Non. Non. Oh, laissez-moi. Tu l'as d'office, la pauvre. Vince joue à Fortnite, Rocket League, GTA 5. Ah, j'ai joué, il est cool. Il est cool, mais il me frustre un peu parce que quand je me fais one shot dès le début, ça me saoule quoi. Moi, il y a un jeu auquel j'étais accro. C'est quoi? Super Mario. Ah, bah très bien. Sur Super Nintendo. En l'an de grâce, 1800. J'ai joué, mais laisse tomber toute la journée. C'est vrai laisse tomber. Il était dur. Hein. Ah, et là, on a une borne d'arcade qu'on nous a amené à Énergie, là, avec des jeux des années 90, et c'était dur à l'époque, les jeux. Hein. Et mais frère, tu reçois une balle, t'es mort, quoi. Non, mais c'était méga dur, t'avais pas le choix. Ah ouais, heureusement, on a crédit illimité, mais t'imagines, avant, il va tout le temps taper des pièces et tout. Non, mais avant, c'était des vrais joueurs. Hein. Jasmine est là, qui m'envoie un message, là. Vince, en espérant que ce soir, c'est le bonsoir. Mort de rire. Oui, Jasmine, tu dois passer pour la chanson. On doit pas oublier. Oh non. Alors, Call of en ligne, mais le tout premier, c'est Jadou qui m'envoie ça, Jade. Match à mort en équipe. Ben voilà, Cédric qui m'envoie maintenant jouer à Battlefield 4, FIFA, Red Dead Redemption 2. Ouais, moi toujours dessus la pêche. Hein. Moi la pêche. D'ailleurs, si quelqu'un peut me conseiller comment on pêche des gros poissons dans Red Dead Redemption 2, je reprends les conseils avec plaisir. Hein. Alors, Vince, tu joues au basket volley venant d'un petit gros, ça fait toujours plaisir, j'ai pas compris. Ah, je suis super grand, style 2 mètres plus. Et depuis, toujours, les gens pensent que ça me fait plaisir de me le dire. Ah, qu'il est grand. Mais c'est la même chose que d'être petit ou gros, personne n'en parle. Moi, c'est le quotidien. C'est intéressant d'en parler en tout cas mon pote. C'est vrai et que complexe de taille ah, est grave. C'est pas mal, ouais. Alors Emily, moi c'est Battlefield 4, Fortnite, Red Dead Redemption pour Emily. Super ça. Laurent qui me dit putain les vieux dossiers. Eh hey, ça y est tout le monde m'envoie des screenshots. C'est trop gay de vous trouver ça. Putain c'est quoi j'ai écrit quoi? Salut tal quoi de neuf. Moi ça va relax. Je suis toujours au Sénégal. Je rentre le 27 août. Putain t'es pas la S quand je t'ai dit. Ici j'ai pas de TV ni rien ni PC. Ça change beaucoup et ça tue. Allez à plus Sénégal Power. Bah ouais grave. J'ai un décrochage de jeux vidéo quand je partais au bled avec mes parents. Ah ouais. Et c'est fort le message qu'on vient de me renvoyer là. Il y a des gens qui font des screenshots de mes anciens trucs sur mon forum. Le forum jeuxvideo.com pour ceux génial. Qui connaissent. Forum mythique quand même. Hein, ouais, le 15-18. Forum mythique aussi. Ouais. Et donc du coup pour ceux qui veulent revoir des vieux dossiers sur moi, et ben vous allez sur jeuxvideo.com ou sur Google, vous tapez versus chiffre 5x. Versus chiffre 5x, vous allez tomber sur des vieux dossiers. Merci pour ton message, le numéro qui termine par 6089. Vince, moi je joue à Battlefield. Ah non, Black Ops 2 un jour, Black Ops 2 toujours, voilà. J'ai eu une période où je jouais beaucoup et maintenant ça m'arrive d'y rejouer. Ah, ok, au jeu Rainbow Six et Battlefield 5, Wonder Boy. FIFA 19. Et vous les filles, vous jouez à quoi? Dites-nous les filles. On est très curieux de savoir. Vince, moi je suis accro au mode zombie, Black Ops 4, Mortal Kombat 1 avec avec 20 FR quoi. Je me faisais 3 colonnes. J'ai pas compris le message. 20 FR. Ouais, je suis pas aussi geek à ce point-là. Hein. Et salutations à Baptiste qui m'a envoyé un message. Bon les amis, bougez pas tout de suite. Dean Lewis avec Be Alright. Et on va trouver une solution pour Célia, son mari. Il est accro à la PS4 avec FIFA 19. On va lui proposer des conseils. Si vous aussi vous avez des conseils pour diminuer les jeux vidéo, nous on a un conseil de ouf et on va le faire tout de suite en direct sur Énergie. Ça va faire mal. And then you say to me, you made made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Soir, dès 21h. She said, do you love me? I tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Hey, welcome sur Énergie, 23h12 les amis, on a encore un bon moment à passer ensemble. Bébé, j'ai les connais à suivre, j'espère qu'on aura le temps. Kimo 5 aussi. Ouais. Et il va se passer du lourd là, on va voir Cédric qui va réagir à l'antenne avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, Célia, je vous recontextualise la chose pour ceux qui viennent d'arriver. Déjà, soyez bienvenus sur Énergie, Vince, de 21h jusqu'à minuit avec toute la team. Et Lara qui est là. Je suis là. Il y a Nigel qui est là aussi. Ouais, je suis là. On est là du lundi jusqu'au vendredi les amis, de 21h à minuit. Et le vendredi, jour spécial où on est en semi-live, on est là, c'est-à-dire qu'on est en direct, on est présent dans les studios. On est en live avec vous et en même temps vous passez des moments que vous avez kiffé. Alors des fois il y a beaucoup de moments comme par exemple vendredi d'avant, parce que ce vendredi-ci là il y a quelques jours on n'a rien passé comme mon bon moment. Ouais, on était en direct. Ouais. On en a mis deux en fait, tu vois, alors qu'on avait des tonnes que vous vouliez. Célia qui est toujours avec nous, est-ce que tout va bien Célia? Oui, ça va bien, merci. Formidable. Célia, son mec fait passer la PS4 avant sa vie de couple. Ça fait combien de temps que ça dure maintenant là, qu'il est toujours sur sa PS4 là? Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Bah voilà, ça fait un peu 6 ans qu'il joue à la Play, quoi. Wow. Voilà. Bon, maintenant, je l'ai accepté comme ça, mais c'est vrai que j'imagine. Oui, voilà. Mais bon, ça devient. D'accord. Alors, il y a plusieurs possibilités qui ont été envoyées. Il y a Emily qui dit Vince, tu lui coupes internet, il pourra plus jouer. Il joue online, on est d'accord. Célia, il joue contre des gens. Ouais. Non, mais c'est le multijoueur, c'est en fait, qui rend compte. Il y a tout, en fait. Le mec, il va en LAN un week-end et tout, quoi. En quoi? En LAN. Il va en LAN. En LAN. Les LAN, c'est des week-ends de gamers, en fait, comme ça. Et LAN, connexion. Voilà. Ouais. Je savais pas que ça se disait encore, tout, une LAN. En fait, je connais la connexion LAN, mais. Tu sais ce que je faisais encore à l'époque, c'est prendre mon ordinateur, aller chez un pote. On était tous avec des ordinateurs. On avait un hub Ethernet là, pour tous nous relier les uns aux autres. Et tous nos PC étaient reliés et on jouait online. Ah, cool. Comme ça. Mais là, c'est comme des conventions, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Comme des séminaires. Ouais, voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, okay. Alors, est-ce qu'il veut en faire son métier? Est-ce qu'il veut en... Parce que c'est possible, hein, peut-être qu'il est tellement fan qu'il veut en faire son taf. Je c'est salue d'ailleurs Twiki, qui est un mec, il jouait tellement à FIFA qu'à un moment donné, il est devenu joueur professionnel, athlète professionnel. Il est considéré comme athlète. Hein, bien sûr. Donc, pour League Game. Lui, il joue pour le Standard. Et on salue Zach Bentato, qui joue pour Anderlecht ouais, big up. Sur League Game, d'ailleurs. Et donc, Célia, ton mec, il veut faire carrière là-dedans ou il est juste accro point? Non, je sais pas. Je pense qu'il est simplement accro. Bon, je pense que s'il avait une proposition, je serais pas contre, quoi. Ok. Alors, Célia. On n'a pas de proposition. Non, mais il y a des gens qui disent ouais, est-ce qu'elle a essayé de lui parler? Est-ce que tu as essayé de lui parler, justement? Bah oui, bien sûr. J'ai essayé de même couper le couple, quoi, carrément. C'est plus facile, quoi. Donc, tu lui as mis des pressions de terminer le. Ouais, il a mis des pressions, il a arrêté pendant une semaine et après, voilà, il a recommencé. Ah, mais nous, les mecs, quoi, on est comme ça. Hein. C'est ça. Ouais, nous, on arrête, genre, c'est bon, elle est calmée, allez, on recommence. On le fait un peu en loose day comme ça, de temps en temps, et puis. Et puis ça revient. Voilà. Salut Vince, le copain de ma fille, c'est Christelle qui m'envoie ça, joue en ligne à Call of. Et quand je joue, quand il joue, pardon, il hurle sur tout le monde dans le jeu. Oh, et tout le quartier est au courant qu'il est chez moi. Comment est-ce possible de s'énerver comme ça pour un jeu ? Alors, c'est très simple. Parce que. Ça t'énerve, quoi. C'est, tu tombes parfois sur des. Alors, c'est très simple. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu tombes sur des mecs qui jouent qu'au jeu vidéo. Ouais, c'est vrai. Et il y a une différence de niveau. Et par exemple, Call of, c'est le meilleur moment où quand tu te mets online, t'as un mec qui est tellement fort, il te tue tout le temps. Bah à un moment donné, t'es frustré, t'en as marre. C'est tu peux pas avancer, quoi. C'est comme quand tu joues au Monopoly, que tu perds tout le temps, bah tu pètes un câble. Thibaut, là, il veut parler d'expérience. Ah ouais, moi, ceux que je déteste, c'est surtout ceux qui viennent te narguer juste après avoir gagné et tout ça. Genre, ouais, j'ai déjà ça. Eu le cas. Oh, ouais. J'ai failli casser ma PlayStation, il m'a trop saoulé. Non, mais je connais des mecs, ils ont pété leur écran. Hein, ouais, mais truc. Mais après, il vient faire le malin. Ah ben bah moi bah m'a déjà cassé deux tablés comme ça. Hein. Ah ouais, ah ouais, car c'était si loin que ça. Mais... Il a lancé la manette dedans, la télé elle a explosé. Putain chaud. Oh voilà, Logan vient de m'écrire un message sur le WhatsApp. Je viens de péter ma TV et je suis dans la merde à cause de la PS4. Ah merde. Putain. C'est la télé de maman du coup. Ah, bravo. Célia, arrête, mets-le un peu jaloux, il va arrêter tout de suite. Ça dépend. Ah bah ouais, est-ce que t'as déjà essayé de le rendre un peu jaloux, genre bon ce soir je sors avec un autre gars. Non, c'est pas ouais, cool. Vas-y, il s'en fout, lui pour lui là ça serait tranquille, il invite ses potes, il joue à FIFA quoi, oh voilà. D'accord. Est-ce que là en ce moment Célia il est en train de jouer? Bah là il va rentrer avec ses potes, donc à mon avis oui, il va jouer quoi. Dans 5 minutes il rentre. Dans 5 minutes il rentre. Ouais. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend 5 minutes qu'il rentre et qu'il joue, ah bah ou oui. Alors tu lui caches la PS4. Si je lui cache, je vais péter un plomb. Bah tu vas dire, tu sais pas que t'es pas au courant. Hein? Ouais. Ok, allez, je vais essayer. Je vais rentrer, je vais aller. C'est là, je me suis mis dehors, tu vois. Je vais essayer de la cacher et on verra. Apprends la PS4, tu la caches. Okay. S'il te demande où elle est, où tu dis, bah écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous à la maison, un chien, un chat ou un truc dans le genre? Ouais, il y a un chien. Bah tu dis que le chien il l'a fait tomber. Ok. Qu'elle est pétée. Et qu'elle est pétée, tu l'as envoyé en réparation. Ok, ça et va. Et bien plus tard dans la conversation, tu diras que tu l'as envoyé en réparation au 775 Chaussée de Louvain. Voilà, c'est ça. Chaussée de Louvain. Chez Énergie. Okay, ça va. Énergie, il doit venir la chercher. Je vous écoute, donc ça va. Ah bah cool. Ah mais merde. Bah tiens, j'espère qu'il va pas nous griller maintenant. Ah là. Ouais. T'as non, si... bah merde. Non, il est sorti, pas, t'inquiète. D'accord, attends, il joue en ce moment ou pas? Je comprends pas. Ouais, il joue, je sais pas, tu joues. Ah, il est chez lui, il est chez ses potes, ok. Ah, ouais, t'inquiète. Ok, comme ça. Alors, j'adore, on nous dit simuler un vol comme ça, on fait un prank en même temps. Il va tuer le chien, c'est vrai, t'imagines, il s'en prend au chien. Oh my god. Est-ce qu'il pourrait s'en prendre au chien ou pas? Non, quand même pas. Ah, d'accord, faut appeler son mec avant qu'il ne rentre pour faire un prank avec la PS4 pétée par le chien. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On a deux choix. Ou alors, on attend qu'il rentre et on découvre ça en direct, genre hop, la PS4, machin. Ou alors, on l'appelle et tu lui fais croire, Célia, que la PS4, voilà, elle est pétée, le chien l'a niqué, etc. Ça. T'en penses quoi? Bah n'importe où, alors j'en ai eu marre, j'ai jeté, c'est tout quoi. Ouais, très bien, on peut faire ça. C'est mais... lui ou moi, c'est et, tout. Et ben c'est, tu sais quoi, on va faire ça. Et si tu veux, il y a tout le monde qui nous dit appelle-le. Et ben tu sais quoi, on va l'appeler. Et si tu veux, nous après on va essayer de lui faire la morale, lui faire comprendre que voilà, que le couple est important et tout ça. Mais du coup c'est elle en fait, le bébé, j'ai déconné. Bah ouais. Quelle bonne idée. Bah ouais, bah tiens donc, bah, que se passe-t-il dans cette émission? Bah oui, c'est le bébé, j'ai déconné, j'ai pété la PS4. Ok, très bien. Célia, on fait ça dans quelques instants, le temps de te briefer avec les standardis, ça marche? Ok, ça va, pas de soucis. Je te passe Teddy et Thibaut là tout de suite. Le temps pour moi d'accueillir Cédric dans le standard. Salut Céd. Ouais. Yo, Cédric est dans la maison. Sur Énergie. Ça va Cédric? Ça va et toi? Mais ça va, tranquille, on est là mon pote. Hein. Tu viens de quelle ville toi? Outain-le-Val. Outain-le-Val est dans la maison. C'est près de la Louvière, hein, c'est ça? Nivelle. Après Nivelle, rien à voir. Nivelle est là. J'ai toujours pas de chanson pour Nivelle. C'est pas genre le Colombier et tout à côté? Oh. Ouais, si. Ah, je connais frérot, t'inquiète. C'est son quartier. Cédric, alors raconte-nous toi les jeux vidéo. Accro par le passé, comment ça s'est passé ça? Ouais, bah c'était surtout quand je jouais beaucoup à GTA en fait. J'ai vraiment chaque fois que je rentrais de l'école, je jouais tout le temps à GTA. Puis chaque jour en fait, tu vois, la carte de mon père, elle était inscrite dans la PlayStation, donc la Mastercard. Hein. Oh ouais, bah, donc je me disais ouais, si je mets une fois de l'argent, ça va, mais je me rendais pas compte que parfois je mettais par exemple 30 euros plusieurs fois par jour. Oh ouais, parfois, ouais. Et c'est quand j'ai vu la note, c'était 900 1000 euros. Oh quoi. Purée. Ah ouais. C'est dur ça. Ouais. Donc du coup dans ce genre de cas, ton père il a fait quoi? Il a dit quoi? Bah, je me suis bien fait engueuler. Bah, oh, purée, non mais. Bien, ça, c'est pour ça, moi, là, c'est pour ça que j'ai pas de Mastercard. Hein. Ah, je prends les devants, moi. J'ai parce que tu sais que tu vas succomber. Non, non, parce que je sais très bien que ma fille et mon fils, ils vont me la. Bah, t'as le temps. Ils vont me l'éclater. Même. Ah, non, mais ah, j'ai le temps, attends. Tu sais que ma fille, je lui ai laissé mon téléphone, là, tu sais ce qu'elle a fait? Non. Elle a commencé à prendre des applications. Et elle me dit papa ça marche pas celle-là et tout. Je fais normal, elle est payante. Donc t'imagines si je l'avais laissée, elle aurait pris des applications payantes gratuites. Genre gratuitement de sa part, elle aurait pris des applications payantes. Il faut un mot de passe. Hein, Oui non, ah, non. Bah si. Ouais, bah, si. Tu peux faire en sorte qu'il demande à chaque fois le mot de passe. Le truc en fait, c'est un chiffre, enfin, c'est 4 chiffres et elle le connaît. Ouais, elle est forte, je le change et tout, mais le gris, non mais t'inquiète pas, la nouvelle génération, ils sont méga intelligents. C'est dingue. Moi je disais le truc, ouais, moi je suis né avec les ordinateurs, jamais ma fille va me la mettre à l'envers. Ouais, tu parles, fais papa, je connais ton code. C'est comme ça, toujours les prochaines générations, elles sont chaque fois. Non, mais de ouf. Ouais. Hein, bah. Plus vive. Et c'est ce qu'elle me dit, ma fille, elle a 5 ans. Ouais, sur Netflix, chez toi, sur ton compte, à toi, il y a tous les Harry Potter, chez moi, il n'y en a que 3, pourquoi? Et moi, je dis, mais c'est normal, t'as le compte enfant, et de Harry Potter 1, 2 et 3, c'est pour enfants, après, ça devient un peu plus pour adultes, tu vois. Non, mais je sais, l'autre fois, on était là, elle était carrément avec la manette et tout, elle a mis YouTube, elle a mis Aya Nakamura toute seule et tout. Je te jure, ma fille, elle a 5 ans, elle va sur YouTube toute seule. Avec la télé et tout. Elle m'apprend, tu vois. Elle m'a dit, regarde, papa, on fait comme ça. Je fais, arrête. Ah ouais. Waouh, trop fort. À un moment donné, elle a piraté la NASA, je sais pas comment elle a fait. Non, je déconne. Faut pas déconner non plus. En tout cas, Cédric, 900 boules, là, donc les jeux, t'as diminué, t'as arrêté, comment ça se passe? Bah, ici, c'est difficile parce qu'avec Black Ops qui est sorti, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais c'est relou, y a pas de. Je joue moins qu'avant, quand même, mais. C'est surtout GTA, parce que GTA, ils font vraiment tout pour que tu joues, tout pour que tu mettes de l'argent. Il y a des promos tout le temps. C'est quoi, GTA? Il faut rester sur le jeu. T'as totalement raison. Surtout quand t'as la période de Noël, ils te tapent le tapis blanc. Tu vois. Ouais. C'est quoi le tapis blanc? Bah, il neige, en fait, dans GTA. Et alors? Bah, c'est ouf. Non, mais attends, ça te fait pas penser au deuxième épisode de Black Mirror où c'est si. Con, là, le connard, il achète des bonnets pour son avatar, là? Ouais, si. Ah, vraiment ça quoi. Mais complètement, mais bien sûr, mais c'est ouf parce que maintenant tu joues à n'importe quel jeu, tu dois payer avec la monnaie du jeu mais qui est payante dans la vraie vie pour avoir un BTQ son à la con, tu vois. Ouais, d'ailleurs il y a un youtubeur qui arrête pas de dénoncer ça, il s'appelle Chechounet, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est du virtuel. Et c'est ça, et en fait il arrête pas de clasher en disant ouais, maintenant les Ubisoft, Electronic Arts, c'est les premiers à avoir fait ça. Et en gros, ben c'est ouf. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas en jeux vidéo, ben maintenant quand vous avez votre personnage, vous pouvez injecter de l'argent pour le personnaliser comme vous le voulez. Et vous êtes obligé d'injecter de l'argent pour avoir un bon personnage aussi. Ouais, aussi, c'est non mais oh ça devient dingue. Et il y a pas les codes pour craquer comme dans Sims, Rosebud et tout. Non, pas pour avoir deux trois trucs vite fait, mais maintenant ça devient une compétition. Après à chaque fois c'est un magasin, donc ils te proposent des nouveaux trucs. Et moi j'ai arrêté, moi je rentre pas dans ce genre de délire, parce que peut-être je suis partie d'une ancienne génération de gamers. Et j'adore les jeux solo, moi je fais les jeux en solo parce que l'histoire, l'aventure. Mais le multi j'aime pas, parce que le multi il est fait exprès pour te rendre accro. Ça je l'ai compris quand j'étais jeune. Quand je vous ai dit que j'ai vu le sang qui a pissé, que je me suis dit ah je vais trop loin, et ben j'ai compris que le multi fait tout pour te rendre accro. Tu veux augmenter ton ranking, tu veux avoir une nouvelle caisse dans le jeu, tu veux avoir un nouveau truc, tu veux essayer toujours d'être un peu le gars qui a le plus d'armes pour péter un maximum de monde. Et en fait ça devient une course sans fin, parce que tout le monde est à la course à devenir meilleur. Et à augmenter son ranking. Je veux dire, le dernier jeu vraiment auquel j'ai joué online à mort, c'est Destiny, pour ceux qui connaissent. Et je te jure, à un moment donné, je me suis dit Non, je suis en train de... Voilà, je me rends compte que le jeu fait exprès de faire 2-3 trucs volontairement pour me rendre accro, quoi. Okay. Et tu donnes une arme légendaire à un moment où tu t'y attends pas. Genre, tu craves pour avoir une arme, et tout d'un coup, t'as une arme légendaire qui arrive, et au moment où t'allais arrêter de jouer, tu vois. Et là, tu dis, ah putain, t'es reparti. Ah, putain. Mais ils ont des algorithmes de ouf, franchement, faut pas vous laisser avoir, les gens là, vraiment. C'est dingue, hein. En tout cas, Cédric, merci pour ton témoignage à l'antenne, mon pote. Hein. Ouais, t'inquiète. Allez, merci. Hein. Quand tu veux, un bisou à toi. Ouais, à plus. À plus, mon pote. Bisous, ciao, ciao. Célia, est-ce que t'es prête pour téléphoner à ton gars? Allô? Est-ce que t'es prête pour téléphoner à ton mec, Célia? Ouais, je suis prête, y'a pas de soucis. Eh ben super, parce que fais gaffe, après il pourrait se retourner et aller vers la plus bonne des plus bonnes de... Ah, quelle belle transition. Ouais, non, je vais faire un SMS, genre je dois t'appeler. Eh ben splendide, c'est juste après Yana Kamura sur Energy. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en telle. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a fâché. Je suis pas ton plan bête, t'as ma tête la fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder. Tu veux que bombarder. barré, mais t'en veux encore. Toi, tu profites dans le mic. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Et la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je veux que bomba. Salut la famille, comment vous allez? Là, je vous écoute, là, MDR avec les consoles. Ta WhatsApp, ça tombe bien. Vince aussi. 0492 222 002. Écris-lui pour vérifier s'il est bien en direct. Later, non! Oh mon Dieu, non, ne vérifiez pas si nous sommes bien en live, s'il vous plaît. Ah merde, parce que là, en fait, quand on l'a enregistré, on savait pas s'il était 25 ou 30. Ouais, je me suis trompé de jingle. Ce jingle va vous inciter à vérifier si on est en live. Ah merde. Alors qu'en fait, peut-être qu'on a enregistré de nos jours avec des technologies. Ah ouais. Pour répondre à ton tuto de l'autre fois en disant le vendredi on est en semi-live, c'est pas vrai, on est en live tout le temps. Oui, en fait, on est en live tout le temps. Il n'y a pas de semi-live. Le vendredi, on vous passe de temps en temps un meilleur moment. Ça veut dire quoi ça? Ça veut pas dire qu'on fait du semi-live, wesh. On est d'accord, c'est vrai, c'est vrai. On est bien d'accord. On est là, on est reste. Là. On, bien sûr. On est là. Voilà. Non, semi-live, moi je vais à 22h. Hein. Et je salue Ryan qui m'a envoyé mon message au-dessus. C'est 23h23, big up Lara. Quoi? Ryan, il a cru, il a écrit oh zut, un enregistrement. Non, non, non, non, non, pas d'enregistrer, on est en live. On est en live, non, faut... Allez, envoyez-nous de l'amour là maintenant tout de suite. T'inquiète pas, ils vont en envoyer beaucoup. Ils vont en envoyer beaucoup parce qu'il va falloir deviner qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien. Donc en parlant d'amour. Bisous à Jade qui joue à Dofus visiblement là. J'aime jouer à l'ancienne sur PS4. Par contre sur Facebook je joue à un jeu de stratégie et parfois je paye des cartes pour divers stuff. Alors oui, Facebook, ah les amis. Tu sais que ça c'est le problème de ma grand-mère. C'est quoi le problème de ta grand-mère grand? Chaque mois, ouais. Je crois qu'elle dépense au moins 200 balles sur Facebook pour ses vieux jeux. Ça me rappelle moi quand je jouais à Diamant sur Facebook. Vraiment, hein. Vraiment, genre elle dépense ouais, tout le temps. Je jouais à Diamond thune. Dash ou je sais plus très bien, et à un moment donné, je voulais absolument avoir des bonus pour péter plus de diamants, et donc du coup, j'ai un peu mis la Mastercard. C'est quand même con. Hein. Ah ouais, c'est complètement con, effectivement. On nous arnaque. Hein. Bon, attention, Célia, est-ce que t'es prête? On va téléphoner à Mike tout de suite, qui est ton petit copain. D'accord? Oui, allez, je suis prête. Alors, Célia, je vous rappelle, son mec fait passer la PS4 avant sa vie de couple. Alors, c'est un bébé, je l'ai connu improvisé, on n'avait pas prévu. Ouais, on avait un autre de prévu ce soir qui finalement sera reporté à demain. Ouais, c'est ça. Attention, c'est parti, Célia, on appelle Mike. Et donc, tu lui dis que la PS4, le chien l'a pété. Quoi. Elle est courage. On y va. C'est quoi une quiz? Personne! Oh, allô? Allô? Allô, ça va, vous? Ça va? Ouais, dis. T'es toujours chez Adri? Non, je suis en route là. T'es en route? Ok. Écoute, écoute, j'en ai un peu marre. Il est 11h30 bientôt. Et je commence à avoir marre un peu de rester toute seule le soir parce que bon, tu joues avec tes potes. Là, c'est une petite décision tu rentres, mais t'as fait 6 ans qu'on est ensemble. Ok, je capte mon cœur maintenant, mais. Oui, bah, allez, un peu, c'est temps, ok. Qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, moi, j'en ai marre que tu joues à la clé tout le temps. Je te souviens, tu rentres à la maison, il n'y a plus de clé, ça va? Quoi? Il n'y a plus de clé. C'est moi ou la clé? Ah non, ok. Il n'y a pas de chien là-dedans. Elle y va. Mais c'est moi ou la clé? Soit tu vis avec ta PlayStation, ou soit tu vis avec moi, c'est tout. Bah, c'est quoi le rapport? C'est le rapport qu'on va bientôt se marier et que, voilà, quoi, t'es H24 sur l'appelé, quoi, je sais pas. Bah, c'est pas gênant, l'appelé. Bah, un petit peu. Tu veux que je fasse pas, que j'aille au café, que... Oh. Que je fasse des conneries et que j'aille voir d'autres meufs ou que je traîne avec mes potes. Non, je veux que tu restes avec moi, quoi. Le chantage. Bah, allez, je reste avec toi. On se voit le matin quand tu pars bosser. Et après, moi, quand je rentre le soir, on se voit, c'est bien. Ouais, de toute façon, si on se voit trop, on sait ce que ça donne. C'est tout, c'est bien. Ouais, bah, t'es devant l'appeler, quoi. Donc, on fait un rappeler. Bah, alors, moi, je suis avec toi. L'appeler, j'ai jeté la poubelle. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le chien, de toute façon, il l'a fait tomber. Qu'est-ce que tu racontes? Le chien, c'est un chihuahua. Qu'est-ce qui va monter sur le meuble, là? Reste tranquille aussi. Ah, bah, il l'a fait tomber. De toute façon, depuis deux semaines, tu cherches tout pour qu'on se prenne la tête. De toute façon, c'est ton délire du moment, là. Quand c'est pas l'appelé, c'est mon frère. Quand c'est pas mon frère, c'est mes amis. Il y a toujours un truc pour que tu cherches la misère. Tu veux qu'on vende la maison, tu veux qu'on aille habiter ailleurs, il y a toujours un truc pour créer des embrouilles ici. Donc la plaie reste là, je suis tranquille, je suis posé, on est en route, on vient, on s'amuse, on fait chier personne. Si t'es pas content, tu montes, tu te couches et t'arrêtes de faire la grande là aussi deux minutes. Bah ok, ça va, le mois prochain tu iras à l'hôtel avec la plaie. Y a pas le mois prochain, déjà c'est chez moi, donc si t'es pas content, tu prends une valise, tu mets tes merdes dedans et t'arrêtes de me prendre la tête okay, là. Ça va, y a pas de soucis. Donc si je me barre demain, il n'y a pas de souci. Hey, qu'est-ce que tu barres demain? Tu vas aller où? Bah, j'irai chez ma mère, si tu veux, je te dis. Ok, ta mère, tu sais bien ta mère. Sur le bordel, tu vas chez ta mère deux semaines, après tu reviens, tu pleures, tu fais la petite là, et après tu... Allez, laisse-moi tranquille aussi, toi. Allô? Oui. On l'a perdu. Ah, dommage. On le remet. Hey, attends, pas tout de suite. On a la pub là, on va être coupé par la pub. Attention. Ah ouais, c'est Célia, on le rappelle tout de suite. Tu vas faire genre, tu pètes ta PS4. Eh, hey, le mec, il a pété. Il est horrible. Chaud. Attends, qu'on va lui annoncer que c'est une blague, lui, que c'est à la radio. Oulala. Célia, ne bouge pas. On le rappelle tout de suite. Ça va, Célia? Allô. Tu te sens bien? Mike. Ça va? Mais tu dois mettre ton micro en fait, Vince. Je crois, elle t'entend pas. Elle m'entend pas. Ouais, allô, est-ce que tu m'entends, Célia? Oui, je t'entends. Ah, excuse-moi, ouais, on avait un petit bug là, il n'y a pas de problème. Okay. Célia, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va, t'inquiète. Ok, ça va, super. On le rappelle tout de suite, tu fais genre, tu pètes sa PS4 en live, on a tous des trucs, on a tous des sons, on fait ça tout de suite sur Énergie, bouge pas. Ok, ça va. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Gagnez vos places pour le concert de MHD avec la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller au concert de MHD avec Énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le concert de MHD le 17 janvier 2019 à la Rocale du Luxembourg. NRJ. Hit music only. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't. Too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you wanna bribe me. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be somebody without your body. appelle Vince au 0800 234 56. 0800 234 56. Et délire avec lui à l'antenne. Ah ouais. Et en plus, c'est gratuit. Bah tout est gratuit les amis, c'est ça qui est bien. Tout est gratuit quand vous envoyez un message sur WhatsApp, c'est gratuit. Quand vous participez sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est gratuit, quand tranquille. Quand vous écoutez la radio, c'est gratuit. C'est ça qui est bien, on a un média gratuit. Mais quand vous voulez gagner dans les concours, ah ouais, c'est 1€ le message. Ouais, 78. Mais quand vous nous followez sur Insta, c'est gratuit. C'est ça. Et en plus, il y a du bon contenu, donc c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. La créativité, c'est gratuit. Ouais, voilà. Et les prochains qui me suivent, je les follow. Ça aussi, c'est gratuit. C'est gratuit. Et on récupère Célia, et ça. C'est pas gratuit. Voilà. Célia. Qui a fait semblant de péter la PS4 de son gars. Elle a dit que la PS4 est à la poubelle et tout ça. Son gars, il m'a visiblement, il pète un cap de ouf là. Il n'a pas été très très cool avec toi, ce qu'on a entendu. Hein. Non. Surtout qu'on se marie dans 20 mois, donc voilà. Non mais sérieusement. D'accord. Et ouais. Carrément le mec, ouais, c'est chez moi. Tu prends tes clics, tes claques, tu te casses. C'était ouf quand même. Alors on va le rappeler, Nigel. Tu vas faire genre, tiens, je la casse encore plus. Nigel, il a des bruits. Attention, c'est du gros budget. Écoutez ça. On dirait vraiment une PlayStation qui se fait jeter sur un plomb. Je sais pas si on y croit, mais. Hey, non, je crois parce qu'il est via le téléphone. Ah, je vais voir si je peux rajouter des bruits de métaux. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. On dirait. C'est trop gros. Ouais. Ouais, c'est trop gros comme bruit. Cherche des bruits sur non, YouTube. Mais je crois que non, le truc du clavier, c'est pas mal. Il est tellement accro qu'il va péter un plomb, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Et il va même pas faire la différence, frère. Il va entendre un. Voilà, mais ouais, on entend, on pense que c'est ça. Non, t'es chez moi, donc t'inquiète. Putain, mais toi, t'abuses. Hey, tu sais, moi, quand je veux prendre un bruit de PS4, écoute la PS4 qui se casse, écoute. C'est GG. T'as vu la PS4 BW, enfin, ça c'est pas une PS4, c'est un avion. C'est parti, on rappelle. Attention, on rappelle Mike tout de suite. Okay, ça va. Allez, fort, Célia. Ouais. Tu peux le faire. Merci. Et après, on va lui parler quand même, t'inquiète. Il est déjà là, lui. Allô? Allô bébé? C'est si, hein. Tu vas pas me lâcher de la soirée en fait. Non, j'en ai rien à foutre. Écoute-moi. Allez, vas-y, crie. Ça va? Je l'ai dans mes mains. Tu dis encore un mot de travers, je la claque par terre, ça va? Hey, tu sais comment je vais réagir? Oh! Donc tu poses, je me sers à jouer avec mes potes, un, qui ne dérange personne. Un, deux, un. À trois, je la claque par terre. Ça va? Arrête tranquille. Trois, je la claque par terre. Écoute bien, je la claque par terre. Tu vas encore faire ta tête de regarde, je la claque par terre. Je l'ai dans mes mains. Écoute, je la claque par terre. Tu l'as dans tes mains, mais c'est bien. Au moins, ça te change. Je la claque, écoute, je la claque par terre. T'as entendu? Là, elle est morte. Je suis en train de marcher dessus. Mais, on dirait des sabots, elle là. Morte, on dirait que je suis là dans 10... Franchement, je suis là dans 10 minutes. J'arrive avec d'autres. Viens. T'appeler, elle est morte. Non, mais j'en ai rien à foutre. Elle est en miettes. J'en ai rien à foutre. Elle est en miettes. T'as vraiment que ça à faire, en fait. T'as vraiment pas de vie. Ou te demande le divorce avant même qu'on se marie, tu vois. T'es obligé de me pourrir. Tu sais que je suis un scule, moi. Je rigole pas. Je vais venir. Il n'y a rien qu'à bouger à la maison. Il n'y a rien qu'à bouger, sinon ça va vraiment chier. Il a dit que je suis un scule. Je vais pas me casser les poules, espèce de grosse pute, moi. Vas-y, reste tranquille. Mais comment il parle de sa mère? Tu m'emmerdes, là. T'arrêtes pas de faire chier le monde, là. Merde. Tu m'emmerdes, t'arrêtes pas de me casser les couilles là. T'as pas envie de faire ton sac et de te barrer là. Madame, j'ai une autonomie là. Tu vois ta collection de jeux? Tu vois ta collection de jeux là? Va te faire foutre. Ah sinon donne-moi les jeux, hein, Célia, vas-y, moi je prends. Nique ta mère, toi, c'est qui ça? Ah, tout d'un coup il est intéressé. Ah mais écoute, j'ai invité des potes à la maison. Là on arrive avec deux potes là. Ouais, FIFA 19, tranquille. Écoute, t'as peur de me prendre pour ça, j'en invite. Non mais Célia, ça va péter, frère. Non mais Célia, ça va parir. Donc là t'as juste 7 minutes là. Tu vois, t'as 7 minutes pour reprendre ta petite gueule de merde. J'ai 7 minutes pour prendre mon pied. Qu'est-ce que tu veux, Chédine? Pour te barrer, grand. Ferme ta gueule, toi. Non, mais de comment il parle comme ça? Passe-moi le téléphone. Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a, grand? T'as un problème? Non, mais attends, T'as des problèmes dentaires, hein? T'as une bonne assurance? Non, j'ai pas de problème. T'as un gars plus, là? Bah, t'inquiète pas, j'ai des KV, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, mais grand, je t'explique, là, on est dans 6 minutes, là. On arrive, on est 3. Bah, tu me connais même pas, tu sais même pas ce que je vais faire ici. J'ai même pas besoin de te parler, t'as rien à faire chez moi. Bah, trop tard, j'y suis. Et ton lit est très confortable d'ailleurs. Tu vas pas y rester longtemps, grand. T'as beau faire le kéké, là, tu vas rien comprendre, là. Ah tu bon sais pas dans quoi tu t'attaques, là. Mais je crois que c'est toi qui comprendras rien dans quelques secondes. Tu sais pas dans quoi tu t'attaques, grand, là. T'es en train de rentrer dans le dur, là. Dans le dur? C'est les choses qui te dépassent. C'est les choses qui te dépassent, là. En tout cas, en parlant de rentrer, en parlant de rentrer, Célia, je crois qu'elle a rentré dans autre chose, hein. Donc, voilà, hein. Ta PS4, Ta PS4, elle est complètement pétée. Bah, c'est pas ça le sujet, mais voilà. Célia, elle voulait t'annoncer que j'étais avec elle, qu'on allait quitter tout. Voilà, parce que voilà. Mais, ouais. C'est quoi, frère? Là, tu me rends service, là. C'est vrai? Tu me rends service. C'est quoi? Ouais, mais je te donne un FIFA 18, FIFA 17. Tu sais pourquoi t'en es arrivé là, Mike? T'en es arrivé là parce que t'as trop joué à ta console. Mais alors? Ben alors, tu l'as négligé. Tu sais à quoi tu vas jouer, toi? À quoi je vais jouer, dis-moi. À la revalidation, toi. À la revalidation. C'est tu quoi vois comment marche-moi revalidation 2018, EA Sports, c'est le game. EA Sports, c'est le game. On va se voir, là, dans 7 minutes, là. Peggy 18. Hein? C'est ça? C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton petit blaze, là? Non, mais le truc, moi je suis celui qui est en train de libérer Célia, là, de ton... T'as décidé de prendre le téléphone, t'as décidé de faire le grand, donc il va falloir assumer. Bah, j'assume. Il va falloir que devant nous... T'es de la gamelle, parce qu'il me semble qu'au bout du fil, t'as l'air bien franc. Il va falloir qu'on fasse des gens, il va falloir que t'assumes clairement tes propos, là. Mais il y en a un qui va perdre ses couilles dans quelques instants, ça va être toi. Et l'autre pute, eh ben, vous allez dégager. Mais comment avant, tu parles de ta meuf? Tu vas passer un sale quart d'heure, cousin. J'aime autant te le dire, ça va mal se passer. Mais Mike. T'as frappé à la mauvaise porte. J'ai pas frappé, puisque je suis déjà dedans. T'as décidé de t'attaquer à un mauvais morceau, là. C'est vrai? On est trois, là. Ah, t'as besoin de monde. J'aime autant te dire, c'est pas petit dop, lui, c'est pas du shampoing. Ouais. En fait, t'es pas capable de faire un contre un, c'est ça. C'est comme un FIFA, en fait, t'as besoin de jouer contre avec plein de gens. T'es chez moi. T'as fait Ultimate Team ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as Ronaldo, t'as Messi, t'as Neymar dans ton équipe, c'est ça? J'ai ma team Nesquel, moi. Y a un problème. Tu t'invites chez moi sans que je t'y ai convié. Y a pas grand. T'es chez moi, là. Et vous êtes combien? On est dans trois minutes. Mais ça sert à rien, puisque. Non, voilà. Y a pas que ça sert à rien, grand. Tu fais le grand, tu fais le malin. Moi, je suis pas du genre à m'emballer pour rien. On va se parler. Mais t'es en train de t'emballer. En plus, t'as besoin de ramener des têtes pour me faire un tout carré. J'espère juste que tu les as bien accrochés. Parce que autant je suis fort de la manette, autant je suis fort aussi avec autre chose. Ça va mal se passer. C'est tout. Mais en fait, t'essayes de me faire peur, là. Arrête de faire le grand. Repasse-moi Célia, là. Non, mais je te la passerai pas. Attends, je t'explique. Explique-moi. On se connaît pas, on s'est jamais vu. Là, il te reste deux minutes à avoir une bonne dentition. Enfin, je te le souhaite. Et ça va vraiment mal se passer entre nous. Mais le truc, c'est que... Je fais pas le déplacement à vide. Mais attends, écoute, je comprends un truc, moi, Mike. Il y a un inconnu chez moi. Déjà. Mais tu me connais. Non, je connais pas, espèce de sale connard. Mais si, tu me connais. T'as vraiment une voix de PD. On dirait mon pote Guillaume, s'il te plaît. T'as vraiment une voix de PD. Mais Célia, elle me connaît et elle m'a dit que tu me connaissais aussi. Je m'en bats les couilles. Elle m'a dit que tu me connaissais. Là, elle pousse, tu vois. Mais c'est normal, t'as trop joué à la console, tu l'as négligée. Non, mais alors, grand, tu préfères que j'aille niquer d'autres meufs, c'est ça? Pas du tout, mais il faut. Attends, est-ce qu'on peut parler? Viens. Mike, viens, on parle. Viens, on parle. Dans 30 secondes, il y a pas, grand, il s'explique. Mais ça sert à rien, je suis pas là. Le mec il boit pas, il drogue pas, il a son seul vice, c'est de jouer à la PlayStation. Oh bébé, tu m'écoutes ou quoi? Hey, écoute là. Ferme ta gueule toi avec tes copains là. Ferme ta gueule toi aussi, tu te demandes pourquoi Guillaume t'a dit qu'il avait arrêté. Je m'en bats les couilles moi. On parle bien là. Mais non, mais depuis tout à l'heure, t'écoutes pas. Il faut que t'écoutes. C'est important. Ça va. Écoutez, grand, mais je connais pas. Mais si, tu me connais. Mais je te dis que tu me connais. Tu sais pas, mais tu me connais. Espèce de branleur. Je te donne mon prénom. Mais tu mets ton prénom, tu le plies en deux, tu le plies en quatre. Et je le mets dans mon cul. Tu te mets dans le cul. Ouais, je sentais venir. Tu vois qu'on est en phase là. Je m'appelle Vince. Eh ben c'est bien, c'est vraiment un beau nom de PD ça encore. Il hein. Y a vraiment pas à dire ça. Ça t'as bien choisi toi. T'es ouf. Mike. Écoute-moi. Mike. Ta merde, elle a perdu. Mike. Non, on n'a pas perdu, gros. Ah. C'est toi qui vas perdre tes dents. Mike, écoute-moi. Je m'appelle Vince. Je suis animateur sur Énergie. Tu t'appelles Vince en fait, c'est ça? Le délire, c'est que t'es fier de ton prénom. Je suis animateur sur. Putain, le mec, il est con. Animateur sur Énergie. Sur Énergie. Ouais, t'as vraiment l'air d'être animateur sur Énergie, toi. Ah bah pourtant, écoute, visiblement. Avec ta voix de fiotte. Chop 2000, t'as vraiment l'air d'être animateur sur Énergie. Oh putain. Écoute, si t'es en caisse, là, mais Énergie, tu vas voir, hein, je sais pas. Tu crois? Bah écoute, mais énergie, tu vas voir. Si j'ai une voix de. Si j'ai une voix de fiotte. Bah il va falloir. Et moi je te dis, écoute, je suis animateur sur énergie et depuis le début, en fait, on est en train de te faire un prank. Mais si tu le crois pas, c'est dommage. Bien sûr, prends-moi pour être content. Ok, ok, et tiens, et c'est quoi ça? Le soir, dès 21h, dès 21h. She said, do you love me? Tell her on est pas allé. Vince. Alors 21h minuit. Vince est sur énergie. En fait. Vince est sur énergie. Alors, ça, c'est une voix de fiotte aussi, ça? Quand j'explique, tu m'as quand même fait partir de mon pote. on était vraiment dans une bonne game, là. On était bien. Et tu me pètes les couilles. À cause de l'autre cinglé là, qui me fait toujours des trucs à la con comme ça. Mais elle n'a rien cassé. Elle n'a rien cassé de ta PS4. C'est pas sa mère qui débarque, c'est pas. Bon, calme-toi, oh. Mike. Oh putain, le mec, le jeu vidéo lui a pété le cerveau. Ah, c'est pas gentil, oh là là. Ça. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un trou du cul. Bon, on récupère Célia. Mike, je t'explique, il y a toute la team, ils sont là. Ouais là. Non, doute-moi, Nadia. Voilà, c'est énergie, c'est une blague. Célia, t'as fait une blague, mais mec, comment tu peux t'emballer pour une console comme ça, pour un jeu? Ouais. C'est le principe, c'est tout. Moi, je fais rien de mal, je suis tranquille, je suis posé. Alors, la voix de fiotte. Alors, la voix de fiotte maintenant. Alors. Je suis pas persuadé que ce soit. Je vous ferais prévenir que le mec, il a même choisi la figurine sur le gâteau avec un petit gamer qu'elle a marié. Elle traîne en dehors du gâteau. Bon, c'est mignon. C'est mignon, mais par contre, là. Bon, Mike, mon gars. Tu as insulté ta femme dans tous les sens. Ta femme, elle voulait juste passer un message. Il n'y a pas que l'insulter dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire. Oui, d'abord, putain, mais le mec... Donc, c'est les extrêmes. Quoi. Mike, restons... Allez, doucement. Ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas de disjockey pour le mariage, on a trouvé. Excuse-moi, j'ai une voix de fiotte, donc ça va pas passer, je crois, à mon avis. Non, c'est pas grave, tu passes des mêmes musiques, c'est le principal. Ouais, c'est ça, tu vas voir, je vais passer des sons de fiotte. Bon, Mike. Mike, turn the game. Calmons-nous là, 2 secondes. Mike, Célia, elle voulait te faire passer un message. En fait, Célia, le truc, c'est que elle voudrait passer un peu plus de temps avec toi. Mais tu oui, mais le truc, c'est que tu passes beaucoup de temps à la console et tout, et en fait, elle veut profiter de son mari un peu, tu vois. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit incompatible. C'est pas incompatible, mais il faut que tu te doses, un peu, Mike. C'est pas encore mon mari, elle a dit. Ouais, c'est vrai, elle a mis un coup de pression là. Mike, il faut que tu doses le truc un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, mon vieux, c'est que c'est des connards. Il y a mon pote qui va l'arriver là. Ils me disent qu'est-ce que tu fais. Il a mis la radio. Non, on va doser, mais bon, faut discuter quand même dans un couple. Mais ouais, discuter, justement, faut pas être devant la télé, non, quoi. C'est ça. Ce qui est malheureux, c'est que vous avez sa version, vous n'avez pas la mienne. Alors? À un moment donné, quand on se réfugie dans le jeu, c'est qu'il y a un problème dans le couple. Justement, Célia, qu'est-ce qui se passe? Parce que, ouais, visiblement, il y a un problème dans le couple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Attention, on va se mettre en mode psychologue sexuel. Psychologue sexuel, j'ai un énorme fantasme. Ah bon? Cette Ken avec moi. Attends, mais t'as on se calme. Et monsieur ne veut pas m'enculer. Oh. Mais c'est pas possible, mais c'est un troll. Donc en fait, le mec se répète. C'est le monde à l'envers, mais ce oui. couple. Mais complètement. Alors, Mike, en fait, c'est ça? Ouais, à l'envers, ouais. C'est pour ça? C'est respect quand même. C'est respect. Je préfère la traiter de pute. Je préfère le cul. Ah ouais. Je suis mort. Putain, je suis ultra mort. Excusez-moi, mais là, dans ma tête, ça fait what the fuck. Non, mais si tu veux, c'est là, il y a d'autres mecs dans l'équipe qui peuvent te le faire, si tu veux. Oui, complètement. Et vous venez d'où? Venez de l'eau de l'Insa? Pardon, excusez-moi. De Mons, d'accord. Ah bon, salut le borinage ce soir. Oh putain, elle m'a tué. Donc Célia, en fait, tout ce bordel-là parce que tu veux te faire enculer, que lui ne veut pas t'enculer. Mais pourquoi tu veux pas? Et que par le fait qu'il ne veut pas l'enculer, en fait, en gros, il y a un malaise qui s'est installé dans le couple et donc du coup, Mike, il est à fond jeu vidéo tranquille. Ah putain. Et bien, je suis sous le choc. Le mec peut mettre mon cul en bête devant lui pendant qu'il joue à FIFA, il n'en a rien à foutre. C'est lui qui est en train de se transformer en cul du cul. Non, mais peut-être que t'as. Devant lui que mon cul est moi, quoi, tu vois. Attends, Célia, alors, dans ce genre de cas, Mike, t'es complètement contre l'idée parce que c'est un autre sujet. Est-ce que ça vous dérangerait pas qu'on vous le rappelle demain pour parler de ce sujet-là? Ah ouais, la sodomie. Ouais, on peut, mais demain j'ai un truc avec mes potes en fait. Jamais le mec, c'est pas possible. Hey, vous savez quoi? Vous savez quoi, Célia et Mike? De toute façon, on va parler avec Célia ou avec Mike ou avec les deux, mais on en reparle demain. Parce que là, d'habitude, c'est le mec qui demande est-ce qu'il est possible de passer par le trou noir. Mais mais là, visiblement, c'est. Rien à foutre, c'est que c'est qui. Généralement, quand c'est le mec qui veut forcer le truc, on le traite de sale con. Allez, pour une fois que le mec, il est dans la précaution. Ouais, d'accord. Voilà. Mais bon, entre-temps, t'as été méga hardcore avec elle, hein. Bon, les gars, vous savez quoi? On en parle demain. En tout cas, on a vécu un moment de magique grâce à vous ce soir. Alors là, cette émission, parfois, on tombe sur des gens. J'adore. Voilà, c'est magnifique. Célia et Mike, je vous fais des bisous et j'espère vous avoir demain au téléphone pour ce sujet-là parce qu'on va en parler. Ça va? Et je vous fais plein de bisous. Bisous. Alors Mike, bah écoute, profite un peu de madame et passe par la voie habituelle hein, pour l'instant, ça va? La voie principale. Voilà, dans un sens. Et après on discutera pour aller plus loin. Enfin peut-être pas avec moi, mais voilà. Bon, et je vous fais des bisous hein. Allez, à bientôt, soirée. À bientôt, bye bye, ciao. Et mon sans Dieu. Transition, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? C'est incroyable, vraiment, c'est exactement ça. Mais c'est un truc de ouf, les messages qui sont arrivés ce soir en plus là. Comment tu veux avoir du respect pour quelqu'un que tu baisses du cul? Franchement, ça dégoûte. Écoute, chacun ses goûts hein. Non mais après, si elle veut bien, moi je vais venir l'enculer hein, y a pas de soucis. Putain, mais c'est incroyable, attendez, il faut que je mette un jingle là. Il est où mon jingle? Peggy 18. Voilà, comme ça va être un petit peu mieux là. C'est un truc de ouf, tous les messages qui sont arrivés ce soir là. Il nous dit quoi là, Giuseppe de son côté là? Eh ben franchement, le mec, sérieux, hein, s'il veut pas de sa meuf, moi je la prends. Hein. Non mais alors là, il y a Romain qui nous dit ce message-ci là, hop. Garçon, écoute l'appel du côté obscur. Oh my god. Dino avec In My Mind, on arrive dans quelques instants pour un jeu et comme l'a bien précisé Lara, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? On va partir avec vos cadeaux, les amis, notamment la photo. Brûle-lui la prostate, trop du cul. Doucement, trop de vulgarité ce soir, calmez-vous. Mais c'est une femme. Oh là là, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Jasmine ce soir dans le standard. Salut Jasmine. Allô, yes. Allô Jasmine ou Yasmine? Bonsoir l'équipe. Yo, Yasmine est dans la maison. Et Yasmine ce soir est avec nous pour se faire un petit délire avec le Give Me Five là. Et en plus elle veut nous faire un petit bonus. Et Hakim est là aussi, salut Hakim. Salut Vin, salut tout. Hakim est dans la maison. Sur Énergie. Les amis, Give Me Five c'est tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Ça va être à deviner tout de suite sur Énergie. Bienvenue, c'est incroyable cette émission. Mec, il se plie en quatre pour avoir des culs et lui, il veut pas. Achète un vibromasseur. À la radio. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. Ah bah ouais. 04 92 222 002. Et aussi envoie-lui simple. Des notes vocales. Aussi simple que ça. Allez, welcome sur Énergie. Yeah. Il est 23h55. On est là, on est en live. On va sortir le Gimo 5 dans quelques instants. Il y a eu plein de messages ce soir, c'est juste magique. Hein. Franchement, là, l'émission est partie en sucette. Il va falloir tenter de deviner ce qu'il y a dans le derrière de Damien. Alors, Lara, raconte-nous l'histoire du derrière de Damien, s'il te plaît. C'est très simple. Damien est un auditeur qui, un jour, est survenu au milieu d'une conversation. Totalement. On ne le connaît pas. Il travaille dans un snack. Et un soir, il nous a envoyé une photo de lui, prise par derrière, on va dire, par Totalement. Quelqu'un d'autre. Exactement. Un collègue, éventuellement. Et il avait glissé entre ses deux fesses une baguette. Un aliment. La première fois, c'est une baguette. Alors au début, on n'a pas calculé. Hein. Voilà, on a cru que c'était une photo comme ça. Mais deuxième soir, une autre photo. Troisième soir, une autre photo. Du coup, c'est devenu un running gag. Voilà. C'est-à-dire une blague qui court. À notre corps défendant. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu... Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien ? C'est devenu une séquence de cette émission. C'est ça qui est incroyable. À lui tout seul, il est devenu une séquence. Et donc, du coup, vous avez tenté de deviner ce qu'il y a dans son derrière, les amis. Merci pour ce message. Tiens, il nous a dit quoi, Fred ? Je vais lui mettre mon pouce direct dans le trou du cul. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Oh. Et ça fait... Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le derrière de Damien ? Essayez de deviner. Vous me faites vos propositions sur le numéro WhatsApp. C'est quoi le numéro, Richard ? 0492 222 002. Exactement. Et on va avoir Logan juste avant ça dans le standard. Rapidos. Logan, dont j'avais lu le message. Allô, Logan ? Allô ? Yo, Logan est dans la maison ! Ah Logan, j'avais pas vu que t'étais dans le standard mon pote, je suis désolé, en plus j'avais lu ton message sur le WhatsApp. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah lui avec le jeu vidéo, il a fait une autre connerie, t'as fait quoi comme connerie Logan avec le jeu vidéo ? J'ai pété ma TV. Ah merde. Et c'était à quel jeu ? Avec quel jeu que t'as pété ta télé ? Ah c'est un mytho, allez salut. Logan, mytho, non, attends, Logan, c'est quelqu'un d'autre derrière, Logan. Ouais. Ouais, c'était avec quel jeu que t'as pété ta télé là ? Assassin's Creed. Ah comment Assassin's Creed ? Mais attends, en multi ? Non. Non. Et... En fait, bah ouais, parce que c'est en solo, comment t'as fait ? Je suis mauvais perdant, dès que je perds, bah je rage. Même contre l'ordinateur ? Oui. Oh purée, alors quand tu joues contre des êtres humains, alors là, ouais, là ouais, tu défonces 4 télés d'un coup, là. Ouais, mollo, hein. Bon, Logan, doucement, hein, prochaine fois. Hein. J'ai essayé. Parce que si jamais tu te blesses, t'es pas Wolverine, tu vois ce que je veux dire, donc mollo, quoi. Au pire, si il se blesse, on s'en bat les couilles. Bah non, le pauvre. Eh, bisous, Logan, merci, hein. Allez, c'était vraiment très intéressant. Ah, putain, c'était intéressant ce passage. Mais on prend les auditeurs et on les laisse passer. C'est leur émission, ils font ce qu'ils veulent. Le passage était vraiment intéressant. Attention, qu'est-ce qu'il y a dans le derrière de Damien ? Il faut essayer de deviner. C'est parti. C'est quelque chose qui se mange, qui se boit, quelque chose que vous pouvez bien sûr avaler tout simplement. Donc essayez de deviner. Un oignon m'a été envoyé, c'est pas ça. On m'a envoyé fruits, légumes non plus, c'est pas ça. Attention, musique. Un gobelet, c'est pas ça. Curry non plus, des pâtes non plus, salami non plus. Toi, tu proposes quoi, Nigel ? Une tomate. Une tomate non plus. Du poulet non plus, carotte non plus. Une pomme d'amour, c'est pas ça. Une cadette de coca non plus, une glace non. Une asperge non plus, Lara. Un chewing-gum. Ce n'est pas un chewing-gum. Thibaut, il nous propose quoi comme proposition ? Pendant qu'on voit citron, sushi, orange, fricadelle. Un oignon. Non, ce n'est pas un oignon, ce n'est pas de la salade. Non, Philippe, c'est pas ça. Méchant, c'est hardcore que tu m'as envoyé. Poisson, bâton non plus. Le numéro qui termine par 93-435, qui est la première personne à nous envoyer ce message. Déjà, elle a trouvé. En fait, la personne nous a envoyé un message pour la première fois. Et déjà, n'a pas trouvé, mais a été extrêmement précis. Bravo à toi qui m'as envoyé ce message, le numéro qui termine par 93-35. Et pour un premier message, Émilie, vraiment respect. Respect. Au top. On m'a proposé une frite, non, chocolat, non, de l'eau, non plus, banane, non plus, serviette, non plus, une feuille de salade, non plus, un bol, mort de rire, non plus, polycroque, non plus, échalote, non plus, os, non plus, betterave, non plus, fricadelle, non plus, avocat, non plus, saucisse, non plus, carotte, bob, l'éponge, sûrement, non plus, le derrière de Damien, ce soir, c'est une paille, non, un CD, non plus. Attends, vous mettez un CD en bouche, vous. Une cerise confite, non, mexicano, non plus, une date, glaçon, dorum, non plus, c'est toujours pas ça. Un kaki, non plus, vous y arrivez, hein. Un fruit ? Alors attention, parce qu'il y a personne, il y a vraiment une personne qui était presque, hein. Mais très près, très près. Tiens, il y a quelque chose qu'on n'a jamais dit. Quoi ? Un kiwi. Ah bah non, c'est pas un kiwi. Oh là là, ça se rapproche. Il y a des gens qui commencent à être extrêmement proches, mais ils n'ont pas encore trouvé la bonne réponse. Une canette, non plus. Yann ? C'est pas loin. Hein. Une orange. Non, c'est pas une orange. Une betterave, non plus. Une grenade. c'est le gars qui veut pas enfiler ça. Non, c'est pas ça. Pruneau, non plus. Une quoi, t'as dit ? Une grenade. Une grenade, non, c'est un pas ça. Un pamplemousse. C'est pas un pamplemousse, non. Banane, non plus. Échalote, non plus. 0492 222 002, si vous avez pas WhatsApp. Allez-y sur le 3018, si vous voulez, hein, les amis. Y a pas de problème. 3018, les amis. Au début, t'as dit ça se mange et ça s'avale. C'est quoi ? Donc, c'est un truc comme un jus. Qui pourrait faire un jus. Je ne peux rien dire. Bah si, tu peux. Non. Tu peux tout faire, c'est ton émission. C'est vrai, t'as raison, mais je... Bah non, c'est... C'est pas quelque chose avec lequel on peut faire un jus. Non, on fait pas un jus, je pense. Jamais ? Tu penses ? Non. Même pas un jus de Klaoui ? Non, c'est pas ça. Un Klaoui juice ? Une figue sèche, non. Quelqu'un m'a envoyé cerise, non plus. Glace, non plus. Jus d'orange, non plus. Orange, non. Non, non. Une cuisse ? Non, c'est pas une cuisse. Un blanc de poireau. Du, non. Un non. Blanc de poireau ? Ah, du persil. C'est pas ça. Du basilic. Non plus. Une orange. De la ciboulette. Non, c'est pas une orange. Non, c'est pas persil. C'est pas la ciboulette. Non. Du puelet ? Non. Une pomme de terre ? Non. Un spaghetti. J'adore parce qu'il y a Damien qui joue à son propre jeu, il est drôle lui. Un spaghetti ? Non, ce n'est pas un spaghetti. Du poivre. Du poivre, non plus. Ce n'est pas du poivre. La mayonnaise, avocat, smoothie. Ah ben smoothie, ça, c'est le plus chaud jusqu'à maintenant, les gars. Hein. Le smoothie, là, qu'est-ce que Damien a mis dans son derrière ? Du lait. Putain, c'est chaud. Du lait. Ce n'est pas du lait. Ce n'est pas du lait. Du sucre. C'est pas du sucre. Attention, ça propose quoi, Thibaut ? Thibaut, une proposition. De la glace ? Non, c'est pas de la glace. Une fraise. Eddie, il propose quoi, Eddie ? Du beurre. Du beurre, non plus. C'est pas une fraise. Nigel, tu proposes quoi ? Un ananas. Un ananas ? Ah non, c'est toujours pas nanana. Vas-y, mais lui, il met quoi dans son cul, frère ? Chaque soir, il change. Attends, un smoothie. Il est fort. Mais hein. Comment c'est possible de changer ça ? Ah, de la mangue ! De la mangue, non, c'est pas de la mangue. Un smoothie, je sais pas moi. Menthe, bah, on voyait, non, toujours pas. De la cannelle. Non. Des pruneaux. Ça fait longtemps, ça. Big up à Célia qui nous écoute. Du yaourt. Non, c'est pas du yaourt. C'est pas. Allez-y au 3018 si vous n'avez pas WhatsApp, hein, les amis. C'est pas du lait. Nigel, livre vos propositions au 3018. C'est pas du lait. T'as regardé en disant. Alors attention, vous êtes prêts ? C'est un liquide. On cherche un liquide. Ah ah ! De l'eau. Non, c'est pas de l'eau. Attention, Thibaut. Coca. Allez, t'as l'habitude des cafés, toi. Non, toujours pas. Attention, Eddie. Une noisette. Noisette, c'est pas ça. Okay. Nigel. Je sais pas, frère. Ça peut être mixé. Non, j'ai dit noisette. Il a dit noisette. Moi, j'ai dit que c'était un liquide. Hein. Un potiron. Un potiron. De la grenadine. Non, c'est pas de la grenadine. De la bière. C'est pas de la bière. Du Fanta. Non, c'est pas du Fanta. Mais un smoothie. Nigel. Ça, je sais pas, moi. Il ment. Non, t'as déjà dit. Il dit quoi, Damien? Damien, ça l'excite hein, ce jeu. Il hein. Il adore qu'on a essayé de deviner ce qu'il y a dans son derrière. Tu peux mettre son petit bruit, s'il te plaît. Après, je peux plus le mettre là. Attention, il va arriver, il va tomber. C'est un liquide. Allez, Lara. Mais quoi, dans un smoothie ? L'aloe vera ? Non, laisse le smoothie, c'était le plus chaud. Maintenant, on a trouvé le plus chaud. Du lait soja. Non, c'est pas du lait soja. Il a mis quelque chose dans son derrière qui contient un liquide. Milkshake, hein, qui contient. Ah, qui contient un liquide ? Ouais. Noix de coco. Non. Ah non. Putain, par con ça! Il a été trouvé, mesdames et messieurs! Il a été trouvé, il manque plus que quelqu'un ici autour de la table, hein! Bah, donne-lui des indices! Bravo, Ludivine qui a trouvé! Un truc qui contient les guides, un thermomètre! Non, c'est pas ça! Un Capri-Sun! Alors attention! Ah, comme ça! Ah, purée, bah écoutez. Ah, de la vanille? Non, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? C'est une marque? Oh, le sang du Christ! Du jus de raisin! Non, attention! Un raisin! Non, non plus! Du vin? Et c'est une bonne réponse, il s'est mis, mesdames et messieurs, une bouteille de vin dans le cul. Oh. Non, c'est horrible. Mais en plus, on dirait qu'il a de la merde dans son cul, là. Ouais, c'est immonde. On va arrêter le jeu, je crois. Mais regarde, putain, non, mais... la couleur au-dessus, là. Eh, par contre, j'espère que la prochaine fois, la bouteille de verre, elle s'éclatera dans son cul. Hein. Non, voilà. Mais comment elle tient, la bouteille ? C'est la photo Est-ce que tu Damien. Crois qu'il l'a calé dans son slip ou vraiment ça rentre ? Non, je crois que ça rentre. Là, non, vu la direction, j'ai l'impression que ça rentre. Hein. Mais pourquoi il met toujours des trucs dans son cul ? Bah, je sais pas, il a une addiction. D'ailleurs, il nous envoie un message. Il adore, hein. Il adore. Prends-lui la prostate. On a déjà c'est il adore, le meilleur hein. pote de la Bon les amis, bougez pas, on arrive tout de suite sur Énergie. On est en direct, merci d'être là. Bougez pas parce qu'on a encore le Give Me Five et mot de la fin ce non. soir. Ah si, on va prolonger. Salut, c'est David Guetta. Quand David Guetta parle en Belgique, c'est sur Énergie. Dans les ce mercredi, dès 6h, le 6-9 Énergie reçoit David Guetta. À bientôt en Belgique sur Énergie. La radio qui vous connecte à vos stars musicales préférées. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody keep it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear them on my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we talk, me.